Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michel Sahut, qui va nous parler de son livre qui est paru aux éditions du Monde de Libertaire il y a quelques mois, qui s'appelle « Un regard noir, la mouvance anarchiste française au sein de la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation nazie ». Donc Michel fréquente le CIRA depuis les années 2000, je pense. Oh, ça va, mais bon, c'est pas grave. Et donc apparemment, je crois ça, il nous dira qu'il a utilisé pas mal de documents qu'il a trouvés ici. Oui, j'ai trouvé ouais. Donc ça, je crois que c'est ton premier livre. Avant, tu avais écrit des articles et une brochure et participé à une brochure. Sur les retraites. Sur les retraites, donc les sujets d'intérêt. C'est en fait, oui, j'écrivais sur tous les articles. Dans le Monde Libertaire, sur la mutualité, sur la réforme de la Sécu, sur la réforme Raffarin, entre autres. Et là, c'est un livre d'histoire aujourd'hui dont nous allons parler. Donc, autre information, tu es militant anarchiste et anarcho-syndicaliste à Montpellier. À toi la parole. Ouais. Donc, on va commencer par parler donc, de cette période qui est un peu obscure, bien entendu, et puis qui a été un peu effacée des mémoires de l'anarchisme en général, parce que, on avait peur d'évoquer surtout le comportement des anarchistes pendant l'occupation nazie. Parce que je pense que beaucoup de militants appréhendaient cette période dans le sens qu'ils pensaient que les anarchistes n'avaient pas été particulièrement brillants. Ceux qui ont eu peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a eu le plaisir, ou pour moi c'était pas un plaisir, mais dans des silences, le compte rendu qu'en ont fait les trotskistes est particulièrement gratiné parce qu'ils ont vu ça tout à fait de manière absolument pas. Enfin, ils ont fait une relecture déjà de ce que j'ai écrit. Et ça m'a pas trop plu, mais bon, il faudra peut-être régler ça un jour avec les trotskistes. Mais bon. L'importance pour vous, c'est il y a deux possibilités. Soit on peut faire un résumé rapide de la mouvance, donc avant la guerre, pour que vous situiez un petit peu l'état de cette mouvance, et après passer surtout sur la partie la plus intéressante, c'est un peu le comportement des anarchistes pendant l'occupation. C'est-à-dire, il y a un volet donc collaboration et un volet, bien entendu, résistance proprement dite. Donc, quel est le point qui vous intéresse le plus? Parce que, bon, je peux essayer d'en développer un et puis d'effleurer les autres. Parce qu'on ne peut pas parler de tout, hein, ça c'est sûr. Donc moi je vous laisse un peu la liberté de choisir quelles sont les orientations. Je sais pas, par exemple le résumé avant la guerre, vous voulez un résumé rapide? Oui. Bon allez, on va le faire. Donc en gros, avant-guerre, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le milieu anarchiste français était quand même assez morcelé. Hein. C'était comporté tout un tas de myriades donc déjà de différentes associations, enfin, des organisations qu'on dit dispécifistes, c'est-à-dire qui sont des organisations anarchistes proprement dites, et puis bien entendu des groupes anarcho-syndicalistes, et oui, tout un tas de myriades après de groupes qu'on pourrait dire individualistes, et même certains pourraient dire que c'est plutôt crypto-anarchistes, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement des anarchistes, mais qui tournaient autour de la composante libertaire, hein, qui des fois étaient des SFIO ou autres. Hein. Alors là, si on regarde bien, le plus important, c'était. C'était surtout deux grands mouvements. Donc il y avait la Fédération communiste libertaire, qui était donc bien à part, et l'Association des fédéralistes anarchistes. Alors là, le problème, c'est un problème qu'on verra rapidement, qui est un problème en fin de compte d'organisation entre ces deux. Parce que l'entre-deux-guerres a été sujet à énormément de problèmes, d'une part de problèmes organisationnels entre les anarchistes entre eux, et des problèmes aussi syndicalistes. Donc si on pourrait dire, en gros que c'était pour l'anarchisme, ça a été une période très difficile entre deux guerres, dans le sens que au niveau de l'anarcho-syndicalisme, ils ont été complètement battus, en particulier par l'émergence du Parti communiste, ça c'est sûr. Et au niveau organisationnel, ils ont pas su où se situer réellement, et ils ont été un peu pris entre des organisations un peu différentes, ou une où ils voulaient faire une synthèse entre les différentes positions anarchistes, qui étaient bien entendu les individualistes, les anarchistes, on pourrait dire insurrectionnels, comme on dirait, qui étaient nommés entre les Donia, enfin, c'est, disons, on pourrait dire les communistes, les libertaires, et les troisièmes, qui étaient bien entendu les anarcho-syndicalistes, ou syndicalistes révolutionnaires. Parce que, bon, à l'époque aussi, il n'y avait pas de distinguo entre syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes. Voilà, donc il faut savoir ceci, et ça c'est très important parce que ça rentre dans toute la dynamique après de cette période-là. Bon, au niveau sociologique en fait, il y a plusieurs personnes. D'ailleurs, il y a un livre qui a été d'abord écrit par Georges Fontenis, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, Georges Fontenis, qui était donc le leader qui a créé la FCL après avoir démantelé la FA. Donc lui, quand il présente cette hein, 53, c'est un livre. Je ne sais pas. Donc dans cette période-là, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, bon, il a une vision un peu particulière parce que justement, il veut essayer de un petit peu, disons, de justifier la création de la FCL et puis de sa fameuse organisation passée bataille, mais bon, qui était un truc un peu obscur à l'intérieur de la FA. Détrôné, mais alors quand il présente cette période-là, en fait, lui, pour lui, c'est qu'une association de gens plutôt de type petit entrepreneur, artisan, forain, plutôt soi-disant qui avait tendance à faire du macadam. Alors le macadam, c'était une technique pour en fin de compte, pour les assurances sociales, c'est-à-dire faire croire qu'on a eu un accident de travail, des trucs comme ça pour toucher des pensions. C'est ça le macadam, en gros. Et puis même le proxénétisme, c'est un marxiste qui était assez proche du proxénétisme, s'il faut dire. Voilà, lui le présente comme ça. À mon avis, c'est largement caricatural quand même. Et c'était pas tout comme ça. C'est pas, on ne peut pas les présenter exactement tout à fait de cette manière-là. Bon, Henri Bouillet, enfin, oui, Henri Bouillet, lui aussi, juste avant, pendant l'occupation, quand il avait présenté sa fameuse plateforme pour un mouvement fédéraliste, il avait aussi un peu présenté le milieu, donc avant la guerre, et lui aussi, bon, il avait accentué justement sur tout ça, sur les problèmes, bon, qu'il y avait des eugénistes, des néo-malthusaniens, des antimilitaristes, avec toute une éclosion de petites idées qui se juxtaposaient, mais que le grand problème, bien entendu, c'est le problème de l'organisation, ils n'arrivaient pas à s'organiser. Parce qu'en fait, ils étaient dans des idées à la limite qui étaient presque, des fois, difficilement conciliables, en fait, on pourrait dire. Bon. Tout ça, on le met, bon, si on prend par exemple Fontenis, il met ça sur l'évolution de ces gens-là, c'est-à-dire sur le fait qu'ils sont dans un confusionnisme plus ou moins basé sur un humanisme petit bourgeois, un libéralisme radical, bon, plus ou moins lié bien sûr à l'humanisme, à la franc-maçonnerie, à la libre-pensée, bien sûr, ça, c'est le combat de Fontenis, donc on voit, bon, il remet en question tout ça, bien entendu. Et alors que, bon, on ne peut pas dire que ça soit entièrement faux. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là qui existait, mais on peut dire, si on prend quand même, par exemple, un historien anglais comme David Berry, qui lui a beaucoup plus de distance, parce qu'en plus il est étranger, donc il regarde la France avec une autre vue, et en plus il n'est pas impliqué dans le mouvement anarchiste français, lui il écrit bien, il dit que même, pour lui, les Français, en fait, c'était plutôt des ouvriers. Il y avait quand même énormément d'ouvriers et que les ouvriers d'industrie étaient majoritaires dans le mouvement anarchiste français. Et quand, bon, moi, personnellement, j'ai recherché, c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas que des forêts. Il y avait beaucoup plus d'ouvriers que de forêts. Donc, on voit, disons, le côté déformation, déjà, de certains historiens qui sont impliqués dans le milieu anarchiste. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, hein, un regard un peu distancié. Peut-être noir, c'est pour ça que je l'appelle noir. Et non pas critique, comme disent les trotskistes, c'est tout à fait faux. Voilà. Voilà, donc en fait, bon, cet antimilitarisme, bon, le problème de l'antimilitarisme a été central pour l'anarchisme français, l'antimilitarisme, l'internationalisme prolétarien. Voilà. En fait, c'est ça qui a été surtout leur grand combat. Et surtout, bon, là où ils ont été même assez respectés, c'est dans la prise de position pendant quand même la guerre d'Espagne, surtout pour le mouvement de solidarité, parce qu'ils ont créé plusieurs mouvements de solidarité, surtout la solidarité internationale antifasciste. qui a quand même permis de venir en aide aux Espagnols dans plusieurs périodes, aussi bien pendant la guerre d'Espagne proprement dite que après la guerre d'Espagne aussi. Et ça, c'est vrai que, bon, disons que là, l'anarchisme français, pour les autres anarchistes de tous les autres pays, a été considéré comme étant un qui a été le mieux organisé, enfin, le plus concerné. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des militants anarchistes français aussi qui sont allés se battre dans les centuries, enfin, ou dans les colonnes militantes. Hein. Il y en a certains qui sont allés même travailler dans les collectivités pour aider l'économie anarchiste, donc en Catalogne ou même dans le Valencien, hein, ou dans l'Aragon. Donc, on peut dire que quand même, bon, au niveau français, malgré leur déficience, disons, on peut dire organisationnelle ou même au niveau des idées, ils ont été présents. Bon, ça, donc, on ne peut pas, disons, passer sous silence ce fait-là, et on ne peut pas non plus le minimiser quand même. Hein. Bon, maintenant, les deux grands problèmes de l'anarchisme français dans l'entre-deux-guerres, c'est bien entendu, c'est ce que je vous ai bien appuyé tout à l'heure, c'est toujours ce problème de synthèse et plateforme. Donc, si je vais expliquer rapidement, la synthèse, c'était d'un côté une conception vue par, qui était plutôt, enfin, c'était fort, hein, fort, donc Sébastien Faure qui avait mis ça en place, et c'était surtout pour essayer de réconcilier tous les mouvements anarchistes, et la plateforme qui était faite donc par les Russes, hein, qui était faite par des militants russes, c'était Archimov et puis Magnon aussi qui a contribué à cette plateforme. Cette plateforme, elle était beaucoup plus, on pourrait dire, elle était jugée par les autres anarchistes comme étant bolchévique, mais en fait elle était axée aussi quand même sur une efficacité politique, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle cherchait à au moins planifier une idée de l'anarchisme qui était centrée sur l'anarchisme, bien entendu, communiste, et le libéralisme communiste, qui avait tendance un peu à exclure les individualistes, ça c'est certain, et certains anarcho-syndicalistes, parce que les anarcho-syndicalistes, il y en a certains qui se revendiquaient de l'individualisme, c'est compliqué chez les anarcho-syndicalistes, hein. On peut être anarcho-syndicaliste d'être dans des organisations spécifiques, mais on peut être aussi individualiste. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est un syndicat. Voilà. Non, mais, et donc, après les grandes autres préoccupations après la guerre d'Espagne, dont on a parlé, donc bien entendu, on a vu quand même que les Français s'en étaient bien tirés de la guerre d'Espagne, il y a quand même aussi 36. Alors, 36, on pourrait dire que c'était plutôt une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que c'est vrai, bon, il y a eu les occupations d'usines, il y a eu la grève générale, bon. C'était très beau et tout ça, les ouvriers ont réussi à obtenir les congés payés alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc il y a eu la pression quand même, on peut dire, spontanée de l'ouvrier qui ont permis d'obtenir ces congés payés. Mais le problème, c'est que le gouvernement de Front Populaire lui-même est tombé petit à petit dans un travers, on pourrait dire, insidieux, surtout vers la fin, quoi. Il est tombé vers une forme de tombé dans le problème de Munich, tout simplement, hein, le problème de Munich, et il a fait le lit, en fait, du fascisme, et il a permis aussi le passage après, enfin, on sait bien que les socialistes avaient voté le pouvoir à Philippe Pétain, hein, faut pas oublier. Donc ça s'est mal terminé, on peut dire, pour populaire, malheureusement. Bon, au seuil de la guerre, les anarchistes français, donc, ils ont éclaté aussi dans plusieurs camps. Bon, il y a eu d'abord d'un côté la CGT, SR et l'Union anarchiste. Alors l'Union anarchiste, si vous préférez, c'est ceux qui étaient autour de Faure et de Louis Le Coué. Hein? La CGT et SR, c'était en fait des anarcho-syndicalistes. C'est autour de Bénard. Hein? Ça s'appelait Bénard, disons le leader un peu charismatique de l'époque. Et en fin de compte, une partie donc de l'Union anarchiste, elle, qui en fait a eu tendance à se claver vers, parce que bon, les deux parties, les syndicalistes ou même la FA, c'est-à-dire ceux qui étaient dans une autre organisation, parce que c'est compliqué, si je vous dis tous les détails, c'est très compliqué en réalité. Il y avait une autre organisation qui était tenue par Prudhomo, si vous préférez, qui, elle, donc, c'était compliqué parce qu'en fait, ils n'étaient pas dans les mêmes positions au niveau de la guerre d'Espagne, tout simplement. Il y en a, si vous préférez, ils soutenaient la collaboration au gouvernement républicain et socialiste, à l'époque, quand les trois ministres étaient rentrés. Et il y en a d'autres, donc en particulier ceux de la AFA, c'est-à-dire Terre et Liberté, etc., Prud'Homo, Voline, qui eux étaient complètement opposés à ce qu'il y ait une collaboration anarchiste dans un gouvernement. Voilà. Pour être très simple. Et si vous préférez, ça continue jusqu'à la fin, jusqu'à la guerre. Et même il y a eu passage aux mains entre les militants des deux violents. Hein. Ils se sont voulus d'ailleurs très longtemps, quoi, comme ça. Ils se sont battus violemment. Hein, parce qu'ils étaient tellement dans leurs idées très différentes que ça s'était très mal passé. Et donc là, vers la fin complètement, même au niveau de l'Union anarchiste, donc, il y a eu deux parties, deux parties qui sont restées sur leur position, la position, disons, on pourrait dire, qui était un pacifisme, mais un pacifisme révolutionnaire. Il y a une partie qui malheureusement est allée vers la patrie de l'homme, de Mérique, et qui est allée vers un pacifisme intégral. Je dis malheureusement, parce que le pacifisme intégral, malheureusement, ça a été la passerelle vers la collaboration. Voilà, pour expliquer rapidement. Et tout ça représentait combien de personnes à peu près ? Des idées sur le... Sur le nombre de militants anarchistes à l'époque, 1800 à peu près anarchistes, il devait y avoir en France à peu près. 1800 anarchistes, donc c'était pas énorme, hein. Donc même à partir de 1800 anarchistes bien encartés, c'est-à-dire bien reconnus, qu'on peut trouver dans les listes de police à peu près, hein, parce qu'il y en avait peut-être certainement un peu plus, hein, parce qu'il y a des gens qui se revendiquaient comme étant libertaires, mais qui n'étaient pas non plus aussi très, très militants. Mais on pourrait dire 1800 anarchistes, disons actifs, militants anarchistes actifs, quoi, qui vraiment se remuent. Hein. Donc ça ne représentait pas quand même une masse de population, et ça a toujours été une minorité, hein, les anarchistes, il faut le savoir, hein, faut pas se leurrer. Donc après ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé après, ce sont les heures les plus sombres donc, de l'anarchisme qui doit débuter, à partir du 23 août 1939, donc, 10 jours avant la, on pourrait dire avant la guerre. Les seuls qui ont essayé de se mobiliser, ça vient d'entendre la CGT-SR. Bon, l'Union anarchiste, ils étaient partis, c'était un peu sombre qui peut. Ils sont tous partis un peu à droite à gauche. Et la CGCSR, elle a essayé donc de faire d'abord une réunion sur Paris. Ils ont d'abord essayé d'éviter aux appelés de partir sur le front, parce que bon, comme ils étaient toujours dans leur logique de pacifisme révolutionnaire, ils voulaient à tout prix empêcher les militaires de rejoindre le front. Et ils voulaient essayer de relancer une grève générale en France, pour justement, et aussi en Allemagne, si ça avait été possible, pour éviter que la guerre soit déclenchée. Malheureusement, bien sûr, ça ne s'est pas passé, on le saurait. Et ça a été même très loin de se passer comme ça, ils n'ont pas du tout pu. Mais un groupe particulier, quand même, c'est celui de Bordeaux, donc, a décidé, avec Aristide de la Peyre, qui était... Non, il n'était pas à l'Union anarchiste, j'ai jamais dit ça, il était à la CGTSR. Un groupe de la CGTSR, j'ai dit. Ils étaient à la CGTSR. La Peyre était à la CGTSR. La Fédération anarchiste, oui, AFAF. Oui, qui était tout à fait. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est la Fédération, oui, ils étaient avec plus proches de Prud'Homo, de Voline, que de Louis Lecoin. Que de Louis Lecoin en particulier, parce que Sébastien Faure était contre les positions de Louis Lecoin, il faut le savoir quand même. Donc, c'était le groupe anarchiste exactement de Bordeaux Sud-Ouest, parce que ils vont anticiper la défaite, parce qu'ils vont se dire, bon, ça m'étonnerait que les Français gagnent, et donc ils ont anticipé, et ils ont nommé un de leurs militants, qui s'appelait René Solière, qui sera donc mis sur le futur André Haru. Ils lui ont demandé à se proposer pour organiser un réseau de vigilance, en liaison avec les anarchistes espagnols, que les militants bordelais avaient fait sortir des camps de concentration français, et de maintenir le contact entre les responsables du mouvement libertaire bordelais jusqu'à la débâcle, et ensuite de refuser de répondre à l'appel de sa classe, Voilà ce qu'ils ont proposé. Donc c'est-à-dire que les militants bordelais, ils ont essayé un peu, bon, Soulire en tête, bien entendu, lui, il a essayé d'organiser, à partir de ce moment-là, une résistance dans le sud. Mais d'autres militants, quand même, ont essayé de s'éparpiller aussi dans la région du sud pour faire servir un peu de relais. Voilà. Et ça, c'est grâce quand même à Bordeaux au départ. Hein. C'est, ça a commencé sur Bordeaux. Hein. Dès la mobilisation, d'ailleurs même à Bordeaux, bon, là, je ne l'ai jamais pas marqué dans mon livre, mais je sais qu'il y a eu des affiches d'ailleurs pendant l'occupation qui ont été éditées, là, j'ai lu dans la maison. Mais bon, je ne l'ai pas, parce qu'autrement, il y a des tas de détails. Hein. Je sais pas. Dès la mobilisation de 1939, bon, la mouvance libertaire va donc se désagréger, ça c'est sûr. Pour les militants, là, sa survie quotidienne devient sa principale préoccupation, parce que bon, là, il faut savoir aussi qu'au niveau donc, de la répression va être assez sauvage, parce que la répression, elle n'a pas commencé avec Vichy. Hein. On ne peut pas se tromper, elle a commencé bien avant. Hein. Parce que ce qu'il y avait, c'est qu'on appelait ça la liste S, hein, celle des subversifs. Et bon, dès que vous étiez dans la liste S, hop, vous partiez directement dans les camps. Ça, c'était déjà des cas de concentration. Hein. C'était les mêmes là, qui avaient servi pour les Espagnols. Hop, les Français prenaient le relais. Enfin, tous ceux qui étaient jugés comme subversifs. Alors, subversifs, bien entendu, anarchistes, trotskistes, communistes, certains socialistes un peu trop radicaux. Bon, voilà, enfin, toutes ces personnes-là se sont retrouvées dans les camps. Bon, dès la mobilisation générale, bon, la propagande anarchiste se trouvera interdite, ça il faut le savoir, donc il n'y avait pas possibilité de... parce que bon, elle était d'essence subversive, donc automatiquement il n'y avait pas possibilité de sortir un seul ouvrage anarchiste, ni un seul journal anarchiste. Bon, la CGTSR, elle aussi, en 1939, en craignant une interdiction, elle décide de se dissoudre, et elle essaye de planquer ses archives, en particulier chez M. Jules Vigny à Lyon. Malheureusement, on ne pourra pas les cacher, ils vont être obligés de les détruire, ce qui est dommage parce que c'est une perte inestimable pour nous historiens. Mais elles ont été entièrement détruites. Voilà. Ensuite, donc, l'organisation révolutionnaire, quand même syndicaliste, elle se maintiendra dans la clandestinité jusqu'en 1940. C'est ce qui est quand même, c'est pas courant pour tous les groupes d'extrême gauche qui se revendiquent, ils font partie aussi du forum de résistance, parce qu'ils ont quand même en 40, ils ont quand même un peu tenu. Hein. Alors que déjà, bon, l'Union anarchiste, ils étaient tous partis à droite à gauche. Hein. L'AFA, oui, bon, bien que Coudomo, il était parti en Suisse quand même. Mais Voline, malgré qu'il était juif russe, il est resté sur place. Lui, il n'est pas parti. Il est resté à Marseille. Voilà. Bon, ensuite, bon, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que bon, il y a des notes, bien entendu, de la préfecture de police, qui apprennent qu'une quinzaine de militants de l'ex-Union anarchiste avaient tenté de se réunir en 1940. Alors ça, c'est marrant, parce que bon, ce qu'on sait, c'est que déjà, quand même, ces militants, ils étaient filtrés par la police. Et ceux qui disent un peu plus tard, bon, il y avait un certain Roger Boutefeu dedans, c'était les deux qui étaient principaux, et puis quand même, qui était plus connu, c'est Maurice Duviquet. Maurice Duviquet était plus connu, plus célèbre, lui. Ouais, Boutefeu aussi, mais bon, Boutefeu, c'est pas pareil. Et donc, tous les deux, n'importe comment, ils étaient complètement infiltrés. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que de suite après, ils ont dit que, bon, pour eux, c'était pas possible de s'organiser, les policiers, parce qu'ils s'étaient trop éparpillés un peu partout en France, et que leur réorganisation était totalement impossible. Donc, ils se faisaient pas de soucis sur ces militants-là, quand même. Ils se doutaient bien qu'ils n'arriveraient pas à se réorganiser. Bon, quant à Louis Lecoin, bon, c'est qu'il a été arrêté après son tract pays immédiate. Et malheureusement, ça a servi aussi au pouvoir à retenir tout un tas de charité de militants anarchistes qui malheureusement avait cru faire bien de l'aider à distribuer ce tract, et en fait, ça avait permis de tomber une sorte de traquement, parce que bon, ça a permis d'être avec. Fait, ça a été ça a permis à la police de trouver justement le prétexte de les mettre tous en maison d'arrêt. Quoi. Bon, la répression politique, oui. Dans le tract paye immédiate, il y a beaucoup d'anarchistes qui avaient signé. Le tract lui-même, non. Ouais, c'est plutôt des pacifistes. Il y avait même. Ouais, il y avait même Marcel Béat. Bon, pour dire que. C'était pas un joke. C'était un tract, pour reconnaître cet tract qui venait bien tard. À mon avis, qui était un peu inutile. Mais je sais pas, je pense que Le Coin a voulu marquer le coup. C'est plus un coup de Le Coin qu'un geste politique très, très important, à mon avis. Enfin, ça a été jugé pas comme ça. Vous avez des blagues ouais, quelques écrivains, oui. Jean Giono. C'était qui n'a pas été non plus une blague bleue. Enfin, on pourrait citer tout un tas. Bon, mais ça, c'est... Moi, à mon avis, c'est assez anecdotique. Hein, c'est vrai qu'au pays immédiat, tout dans la littérature, on pourrait dire, des historiens conventionnels, on en fait tout un plat, mais pour moi, au niveau anarchiste, ça n'a pas une grande conséquence. Où est-ce que ça compense? Parce que nous, le problème, sa position, la position qu'il avait de pacifisme intégral, automatiquement le mettait hors du champ de l'anarchie. Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, il était hors du champ de l'anarchie, il était pacifiste intégral. Il aurait été pacifiste révolutionnaire, il aurait été encore dans le champ de l'anarchie, pacifiste intégral. Peut-être, mais l'anarchie... Ouais, ça sera le débat. On pourrait en faire un débat, oui. Ah oui, c'est un peu dur de m'exprimer comme ça, mais il faut faire la différence entre l'anarchisme intégral et l'anarchisme révolutionnaire, enfin le pacifisme intégral, excusez-moi, et le pacifisme révolutionnaire, qui sont deux choses différentes. Quoi? L'anarchisme intégral? Oui, on pourrait dire l'anarchisme intégral, c'est pareil. Il ne faut pas faire la différence. C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pas l'anarchisme intégral. Bon, ensuite, donc, on va un peu passer bon, aux compromissions, un peu, à la collaboration. Bon, il y a aussi tout un tas de choix, il y a la fameuse objectif, parce qu'à un moment donné, bon, si, ça je peux vous l'évoquer rapidement, l'Union anarchiste, après 14, avait décidé aussi d'introduire à l'intérieur de la notion d'objection de conscience. Et apparemment, ça a très mal fonctionné, cette objection de conscience, parce qu'en réalité, les anarchistes arrêtés pour objection de conscience, il y en a eu très peu, ils ont tous été plutôt arrachés. Et qui auraient été arrêtés, moi, j'ai regardé les fiches de police plutôt pour insoumission, pour rébellion, comme politique, tout simplement. Mais certainement, pas pour objection de conscience, à part Louis Le Coin, il y a deux ou trois, en fait. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, en fait, l'objection de conscience. Parce que là aussi, c'est particulier, l'objection de conscience, c'est... Il y avait des débats dans le milieu anarchiste en entre-deux-guerres aussi là-dessus. Ça, même dans les années 60. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux donc, militants libertaires seront surtout détenus comme prisonniers de guerre. Voilà. Politiques. Bon, les prisonniers de guerre, il y en a pas mal, hein, parce que comme certains quand même, comme ils étaient, ils se disaient, le pacifisme révolutionnaire, ils allaient quand même au front. C'est-à-dire, bon, quand on prend les leaders, ils sont partis quand même se battre. Hein. Ils sont partis se battre en espérant, là-bas, une fois qu'ils seraient sur le front, déclencher une révolte militaire et éviter la guerre. Mais bon, ça n'a pas marché. Et c'était quand on peut les trois tenues, bon, c'était un peu utopique, hein, mais bon, ils avaient quand même la foi. Hein. Il y en a qui sont revenus, qui se sont battus, Doublé par exemple, est revenu, je sais pas moi, il a fait une petite guincarne, c'est pas grave. Il y en a qui sont morts aussi, qui ont laissé leur vie. Donc compromission et collaboration. Alors là, bon, le problème de la collaboration, on verra, en fait, la dure réalité de la guerre, bon, c'est surtout qu'en fait, la signature de l'armistice, un espoir de regroupement clandestin semble autorisé. Mais de nombreux problèmes commencèrent à se poser. Bon, il y a l'hitlérisme, bien sûr, qui s'installe à l'intérieur des frontières françaises. dans une apparente discrétion, parce que bon, il y a que la zone publique, il y avait une zone libre importante, donc ils n'avaient pas l'impression d'être occupés dans le sud. Au début, je le répète au début parce qu'après c'est différent. Et en effet, sous l'impulsion du maréchal Pétain, la révolution nationale du gouvernement français prenait les mesures qui leur convenaient, c'est-à-dire aux nazis en particulier, parce que la police était faite par des Français obéissant à Vichy, et les Allemands laissèrent à Pétain, moi je dis la liberté des vaincus, parce que bon, en fin de compte, ils le tenaient vraiment dans leurs mains, ils faisaient tout, il anticipait sur les demandes du pouvoir allemand, Pétain. Ça c'est très important à savoir. Bon, certains dans la mouvance anarchiste se laissèrent donc prendre aux apparences d'une guerre latente, qu'ils prirent pour une réconciliation avec l'ennemi. Il y en a certains qui écrivent, hein, des anarchistes qui ont mal tourné. Et par un climat qui, dans ces temps de propagande collaborationniste, leur semblait plus fraternel. Bon, certains syndicalistes et pacifistes vont tomber. Petit à petit dans le mécanisme du gouvernement de Pétain. Bon, pour être bref aussi, bon, pour les syndicalistes, ça a été assez rapide dans le sens que, bon, déjà, à la tête de l'État de Vichy, comme la plupart des ministres, tout ça, c'était un peu éparpillé, ils avaient besoin de personnel qui connaissent un peu les arcanes du travail, etc. Donc, le gouvernement de Pétain a fait appel à beaucoup, pas énormément d'anciens syndicalistes, il faut le savoir ça. C'est-à-dire qu'on allait taper chez les syndicalistes en leur disant, vous n'avez pas une place de ministre et tout ça. Alors il y en a certains comme Belin, Rodé Belin, ils disent, oui, moi je veux bien être ministre. Voilà, bon, c'était des mecs, bien entendu, qui étaient proches de la SSU, certains, il faut le savoir. Et surtout, une grande majorité. Mais dans le tas, bon, il y en a certains qui sont passés, bien entendu. Il y a quelques anarchistes qui ont suivi le pas. Quoi. Il y en a qui vont aussi, bon, dans ce syndicalisme collaborateur, il y en a qui vont s'inscrire au sein du Parti populaire français, le PPF, et d'autres qui vont aussi dans le Rassemblement national populaire, RNP. Bon, tout ça, en fait, ce sont des petits nazis français, il faut le savoir. Hein. On rencontre aussi quelques militants anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, ce que je disais, pacifistes ou passés libertaires, dont certains furent abusés bon, par la charte du travail, parce que la charte du travail avait certains aspects néo-prudoniens. Donc il y en a qui ont vu dans la charte du travail, bon, qui était une charte très corporatiste, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui rappelle plutôt les chartes corporatistes qui sont un peu imposées par l'Église actuellement. Par le catholicisme, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Pidou et tout ça, Shinto, ça se rappelle un peu ces choses-là. Mais comme c'était présenté sous une forme néo-proudhonienne, il y a certains anarchistes qui ont dit, ok, mais c'est en fait des potes très proches de Proudhon, c'est intéressant. Donc ils se sont un petit peu laissés avoir par cette charte du travail. Certains se feront aussi berner par les thèses du RNP, le discours. Qui a été mis dans le fameux œuvre de Marcel Déa et toute sa clique. Hein, bon, c'est parce qu'en fait, il prônait une union classiste. Alors ça, le classisme, ça existait dans une frange de l'anarchisme, surtout à l'union anarchiste. Parce que, bon, les anarchistes, là aussi, c'est pareil. Il y en a certains qui étaient assez proches un peu des conceptions de lutte de classe, un peu, on pourrait dire, marxisantes. Et l'autre qui était plus aclassiste, c'est-à-dire que pour eux, l'intérêt c'était de se révolter, d'être anarchiste, et on n'était pas obligé d'être, c'était pas les ouvriers contre la bourgeoisie pour eux, c'était surtout les travailleurs contre un peu les exploiteurs. Quoi. Voilà. Donc il n'y avait pas de classe sociale pour eux, c'était pas important, c'était pas la lutte des classes, c'était pas déterminant pour certains. Donc pour eux, tous ces aspects d'aclassisme, ils s'y retrouvaient, quoi, qu'on trouvait aussi chez les néo-socialistes, hein, comme Barthélemy et Montagnon, tout ça, tous ces types-là, bon, ils faisaient appel à tout un tas de choses qu'on connaissait, qui laissaient sensibles aussi bien les socialistes, bien entendu, que les anarchistes, comme le vieux socialisme français à la Saint-Simon, le proudhonisme, ils appelaient toujours un socialisme nouveau, un socialisme national, bien entendu. Et je veux dire, toutes ces sirènes, quand on lit un petit peu tous les écrits, c'est vrai, de cette période-là, on comprend on peut comprendre, quand même, parce qu'il faut être objectif, que certains se sont laissés berner, parce qu'il y avait tout un discours qui était très socialisant, quoi, qui était réconciliation avec le prolétariat, enfin, des tas de thèses comme ça, enfin, bon, qui sont les thèses fascistes, parce que bon, même Mussolini, c'était la même chose, hein, mais qui ont berné beaucoup de gens de gauche, hein, ça c'est évident. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, donc, il y a eu plusieurs formes de on pourrait dire, de collaboration. Bon, il y a des collaborations, on pourrait dire, qui sont plutôt anecdotiques, quoi. Il y en a certains qui sont rentrés dans les œuvres. Alors, certains sont rentrés dans les œuvres du pétinisme, c'est-à-dire, bon, les œuvres du pétinisme, c'était l'entraide française, le secours national et les restaurants communautaires. Bon. Il y en a qui sont rentrés bon, par opportunisme alimentaire, bien entendu, des anards, ils sont dit, on va se mettre là parce qu'au moins on aura mangé. On va faire de l'entraide, c'est des officines de putain, mais on va faire de l'entraide, on aura à manger, et puis peut-être on pourra donner à manger aux copains aussi. Parce que, alors là, c'était la grande notion, moi qui les a perdus beaucoup aussi, c'est cette notion de copain. Parce qu'à la place de parler de camarades ou de compagnons, ils étaient dans la notion de copain. Alors il fallait aider le copain, mais seulement les amis copains, en fait, ils le compromettaient dans la collaboration inconsciemment. Ça a été un peu le dilemme de ces périodes-là. Alors il y en a qui critiquent bon, certains rôles mes piquerets, mais moi, mon propre mes piquerets, bon, ça c'est Fontenay qui critique mes piquerets. Moi, je vois pas pourquoi on la critiquerait, parce qu'elle a utilisé les Quakers pour libérer, et puis ses connaissances, bon, elle connaissait en particulier Pierre Pucheux, qui était un sbire de Vichy, et elle s'en est servie de cette connaissance avec Pierre Pucheux pour libérer l'anarchiste russe Nikola Lazarevitch. Bon, c'est grâce à Pucheux qu'il a été libéré, parce que Piqueret le connaissait, bon, elle a fait jouer sa connaissance. Mais bon, moi, pour moi, c'est pas un acte de collaboration, ça. C'est de l'opportunisme, hein. C'est de la réalité. Mais pour Fontenay, c'est de la collaboration. Voilà. Bon, par contre, d'autres bon, se sont pris un peu plus compromis. Par contre, le coin, lui, c'est un peu plus gênant, parce que bon, il a fait rentrer tout un tas de militants. Il est rentré dans l'officine pétiniste, mais à son niveau à lui, il ne faut pas oublier que quand même le coin, c'était un responsable de l'Union anarchiste, et à son niveau à lui, ça a provoqué une faute importante dans le sens qu'il a été rejoint par des anarchistes qui n'étaient pas nécessairement de son bord, parce que quand on regarde les noms, il a été rejoint par, bon, il y a Gaston Leval, bien sûr, pilier qui a été, il faut le savoir, hein. Il y a eu Félix Guyard, et l'autre c'était Carpentier. Alors Carpentier avait fait la guerre d'Espagne, et Félix Guyard, et si vous les connaissiez ces gars-là, c'était des patofromistes, en plus. Et à cause de nos collègues, ils se sont foutus dans les restaurants de Vichy. Mais le problème, c'est qu'ils se sont trouvés très bien, ils ont commencé un peu à collaborer, quoi. Parce que le problème, c'est pas que de se réfugier là-dedans, c'est l'attitude qu'ils avaient aussi à l'intérieur des restaurants, qui leur ont été reprochés. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est pas nécessairement... Parce qu'on sentait que c'était pas par pur opportunisme, parce que, par exemple, moi, je ne l'ai pas noté dans mon bouquet, mais j'ai entendu le témoignage, par exemple, de Toublé, qui disait que Toublé, donc, était un militant syndicaliste révolutionnaire, à l'époque, on disait plutôt, parisien, hein, qui pourtant lui-même s'est un peu égaré au début de la guerre dans, justement, la charte du travail, parce qu'il a fait partie de quelques réunions à la charte du travail, il a participé à des réunions qui plus ou moins insensé à la charte du travail, puis il s'est trompé, il s'est fait des comptes que c'était un trappe au couillon, il est vite parti, et puis après, bon, il a été plutôt du côté de la résistance, et puisqu'il a rouillé, etc., sur Paris, et il a été plutôt du côté de la résistance syndicaliste. Enfin, plutôt même, il s'est même mouillé, puisqu'il avait un réseau qui faisait passer des juifs en Espagne, etc. Donc il s'est même mouillé, attends, c'est pas un petit résistant, quand même. Mais au début, c'est un peu égaré. Mais là, au tout début aussi, il a rencontré le coin. Il a proposé de faire partie Après, quand il a dit, ouais, on s'est égaré un peu, il faut se ressaisir, on va essayer quand même maintenant un peu de au contraire, de lutter, même si on ne doit pas perdre du sang, parce qu'il ne voulait pas travailler pour De Gaulle, bien entendu, c'était un étatiste, hein, donc il voulait être neutre, hein, ni Torres, ni De Gaulle, ni Hitler, personne. Donc, mais il voulait essayer quand même de reconstituer déjà un mouvement anarchiste, même pendant l'occupation. De manière à ce qu'il, après, parce qu'il supposait qu'il y aurait quand même un jour une libération, et pour essayer de remettre en marche le mouvement anarchiste. Et là, bon, Le Coin, il le dit très bien, il a vu un café, ils ont discuté tout ça, et lui, il n'avait pas du tout question qu'il aille rejoindre ce mouvement-là, il a voulu rester dans les restaurants. Hein. Donc il savait très bien qu'il était dans les causiers, parce qu'on peut les causiers, c'est-à-dire qui s'inscrivaient dans la démarche de Vichy, et moi aussi, ça, il était, oh, je protège les copains, comme ça, c'est bien, les copains. Bon, bon, il y en a d'autres qui se sont plus mouillés, hein. Il y en a qui ont écrit dans la presse, bien sûr, carrément, vichysoise, hein, des Miours, des trucs comme ça, hein, le Miours, il y en a plein, hein, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais je vous rassure de suite, même s'il y en a quelques-uns comme ça, je les exagère, hein, s'il y en a quelques-uns, parce que plein, c'est un peu fort, on pourrait dire, s'il y en a quelques-uns, surtout dans le temps, il y avait surtout plutôt des libertaires d'intention. Il y avait surtout beaucoup d'anticolonialistes, des chalailles, par exemple, ou des types comme ça, qui étaient qui comprenaient, puisque le livre noir du colonialisme est encore écouté. Hein. Ce mec-là, bon, il a collaboré quand même, il faut le savoir. Et puis bon, il y a bien d'autres dans ces mouvements-là. Par exemple, le problème, c'était un homme bien connu, un certain Robert Jospin, papa de Lionel. Ouais, c'est vrai, mais il faut le dire. Et après, bien, qui s'est dit après libertaire plus ou moins individualiste, qui est allé rejoindre les saints et compagnie, mais il ne faut pas oublier, pendant l'occupation, il n'était pas comme le Robert Jospin. Bon, il a eu tout un tas comme ça. Bon, alors, il y a deux positions, soit après, au bout d'un moment, on leur l'excuse, parce que bon, un être humain peut se tromper, hein. Ou soit, bon, on ne l'excuse pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, au début, c'est que ces gens-là, bon, on a tenu un peu à les tenir. Il y en a qui se sont tenus à l'écart d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient assez intelligents pour comprendre qu'ils savaient qu'il ne fallait pas venir de suite dans le mouvement libertaire comme ça, après ce qu'ils avaient fait pendant l'occupation. Il y en a certains qui se seraient bien vus rentrer dans le mouvement libertaire. Le problème, c'est que certains ont quand même des théories un peu labiles, quoi. Ils ont tendance à, surtout les les crypto-anarchistes, là, les crypto, ils sont très labiles, hein, ils sont très facilement passés de droite à gauche. Hein. Faut le savoir, ça, quand même. Voilà, autrement, après, ensuite, ce qui est important, c'est que le 15 août 41, il faut le savoir, qu'il y a une section spéciale qui a été créée par Vichy, soi-disant pour réprimer l'activité communiste. Mais ce qu'on ignore, c'est que les anarchistes étaient également visés. Et quand on regarde l'article 1er de la loi, donc qui était la loi numéro 3515, elle déclarait « Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu décrétant article 1er, il est institué auprès de chaque tribunal militaire ou chaque tribunal maritime, une ou plusieurs sections spéciales auxquelles sont déférés les auteurs de toute infraction pénale, qu'elle soit commise dans une intention d'activité communiste ou anarchiste. Je dis bien ou anarchiste. Hein. Ceux qui confirment qu'il existait bien des militants anarchistes qui y résistaient. Ils n'étaient pas tous dans la collaboration. Et en fait, alors je vous signale que quand même dans la collaboration, il y avait très peu de monde. Quand on regarde les chiffres, il n'y en avait pas en tout cas plus que des trotskistes, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Mouminier, il y a toute une frange de trotskistes qui, soi-disant par entrisme, entre parenthèses, sont rentrés au RNP et qui n'ont pas fait que de l'entrisme. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Parce qu'eux aussi tapent sur les anarchistes, mais ils oublient que leurs militants n'ont pas fait mieux. L'ultra-gauche, c'est pareil. L'ultra-gauche, il y a des certains qui ont prolongé pareil en beauté. Je le rappelle parce que bon, ils ont tendance toujours à dire que c'est les anarchistes n'ont pas. Et en plus, après la guerre, les communistes ont sorti toute une liste de soi-disant anarchistes qui avaient collaboré. Et quand on regarde les noms, moi je les ai regardés, il n'y a pas d'anarchistes. Il y a que, ce sont soit des communistes qui n'étaient pas en état de s'entêter avec le parti. Si, si, c'était le renouvelable du peuple intérieur en fait. Ou soit des socialistes de la SFIO, mais il n'y avait presque pas de libertaire. Et ils étaient tous traités dans la suite. Bon, c'est assez marrant. Bon, monsieur, bon. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'il y en a. Mais si on regarde bien dans la vraie milice, il n'y en a eu qu'un seul. Au RNP, bien connu, il y en a eu deux, peut-être, hein, avec le beau-père de Lessang, de l'époque. Puis après, il part avec l'autre. Mais bon, à l'époque, c'était son beau-père. Bon, il se laissa. Mais autrement, bon, pas, je vous dis, c'est pas énorme. Et il y en a quand même 30%, et c'est pas des vrais anarchistes. Donc, il faut vraiment relativiser la collaboration anarchiste, quand même, qui a été énormément grossie par les communistes en particulier, plus que par les autres, surtout les communistes. Après, la résistance, alors, la résistance anarchiste, bon, là, par contre, dans la résistance anarchiste, je vais aussi passer assez rapidement, mais on va le dire, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs types de résistance chez les anarchistes. Comme ils étaient désorganisés, bon, que souvent, à part les syndicalistes qui ont eu des consignes un peu, de résistance, les autres, ceux de l'Union anarchiste, ils ont été livrés à eux-mêmes. Donc ça a été au cas par cas, c'est une débrouille individuelle. Donc chacun s'est plus ou moins retourné vers des groupes de résistance qui leur semblaient intéressants selon la région où ils étaient et selon les possibilités qu'ils rencontraient. Quoi. Donc il y en a certains bien sûr qui sont rentrés dans la résistance syndicale, mais il faut savoir quand même que dans la résistance syndicale, bon, il y a eu plusieurs noms, en particulier, bon, il y a eu Paul Massoubre, qui était un libertaire quand même, qui était au syndicat des métaux au CGT, et qui avait quand même une responsabilité importante, puisqu'il s'occupait de l'Aisne, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. Donc c'était un syndicaliste anarchiste, mais quand même le fer de lance du syndicalisme. Hein. Et qui lui s'engagea dans la résistance à Lyon, et il va faire ce qu'on appelle un groupe qui s'appellera le groupe du coq enchaîné, bon, qui est connu quand même, le coq enchaîné, et qui était composé exclusivement, enfin, que d'anarchistes, que de syndicalistes, d'anarcho-syndicalistes, de syndicalistes révolutionnaires. C'est surtout des anarcho-syndicalistes d'ailleurs. Mais je dis anarcho parce que ils ont monté un maquis qui a été très important dans les dopes. L'autre personnage très important quand même qu'il faut connaître, c'est bien entendu Albert Guilly-Terrain, alias Varlin, dans la résistance, puisque c'est lui qui a aidé quand même Jean Moulin, le peu, quoi. Et c'est lui qui est allé chercher tout le pognon pour quand même en Angleterre et en Amérique pour pouvoir financer la CGT clandestine. Donc s'il n'y avait pas eu un militant anarcho-syndicaliste, même les communistes, ils n'auraient pas eu de pognon. Non mais ça, il faut le savoir quand même. Parce qu'il a toujours été, il s'est toujours revendiqué anarchiste, Guilly-Terrain. Il était pied noir, Guilly-Terrain. Je ne sais pas si quelqu'un le connaissait. Il était né en Algérie. C'était un anarcho-syndicaliste de premier plan. Hein. Et lui, donc, il a choisi délibérément de faire de la résistance. Avec la CGT clandestine, même s'il y avait les communistes, il a établi. Moi, je fonce là-dedans. Pour moi, on ne peut pas laisser les Allemands entrer, donc il choisit de résister. Donc il va chercher ce qu'il faut. Et les moyens, bon, le fer de la guerre à l'époque, c'était l'argent. Et donc il va chercher de l'argent un peu partout. Et il arrive à convaincre donc le BCRA, qui était le bureau central du renseignement et d'action anglais et américain, hein, de verser des enveloppes importantes, qui étaient des enveloppes franco-anglo-américaines, puisqu'il y avait les gaullistes aussi, à la CGT clandestine. Et c'est lui aussi, d'ailleurs, qui avec Jean Moulin, a évité un massacre, parce que c'est lui qui lui a dit qu'il fallait faire attention aussi, lors du débarquement, d'éviter de faire des insurrections qui seraient complètement stupides dans l'état où était la France actuelle. Parce qu'à un moment donné, il y avait une proposition de faire une insurrection révolutionnaire pendant le débarquement américain. Mais ça aurait posé un problème, parce que les Américains auraient été contre, étant donné que c'était une insurrection qui aurait été entre les mains du Parti communiste, s'ils étaient majoritaires, donc ça n'aurait pas apporté trop ses fruits, donc il a dit, je pense que c'est pas trop le moment de faire des insurrections. Voilà. Donc, bon, à mon avis, ça a été un élément quand même modérateur dans la CGT clandestine, et qui a joué un rôle fondamental. Après, bien sûr, il y a Christian Pinault, qui fut le fondateur du réseau de résistance libertaire de Libération Nord. Il faut savoir que bon, lui n'était pas réellement anarchiste, il était socialiste, mais il faut savoir qu'il est... C'est Fillon. Il faut savoir que tout un tas de syndicalistes révolutionnaires proches de la SFIO, quand même, ont été dans Libération Nord. Ouais, bon, il y a Le Pen, pas Le Pen, pas celui qu'on connaît, Julien Le Pen. Oui, il y a eu. Ouais. Voilà. Alors, les anarchistes ne recherchent pas spécialement les honneurs. Loin des jeux de politiciens, ils ne se réclament que de justice et d'égalité, pour les vivants comme pour les morts. Voilà. C'est tout ce qui. Pour eux, c'était ça. C'était leur combat, c'était tout surtout. Ils n'ont pas tout cherché. Bon, c'est pas un combat. Quand ils sont engagés dans les maquis, tout ça, ils ne se sont pas engagés. C'est un conjoint. Antifasciste, anti-nazi, d'accord. Mais ils se sont engagés pour la justice. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était bien les limites du pacifisme révolutionnaire. Le pacifisme, toutes les possibilités pacifistes ayant échoué, il n'y en avait qu'une seule chose à faire, c'était maintenant passer à la violence. C'est quand même utilisé ça, il avait des réseaux. Dans les maquis et les réseaux, d'autres vont se réfugier dans les... Bon oui, ça c'est vrai. Alors dans les maquis, dans les réseaux, bon, il y avait deux possibilités. Ça a été, bien sûr, pure la répression pour les politiques. Et puis après, il y a eu le problème du STO. Et donc beaucoup aussi, bon, pour éviter le STO, après se sont réfugiés, même chez les jeunes militants anarchistes, parce qu'il y a des militants anarchistes qui étaient en âge de partir au STO. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, dans les maquis, ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a eu des maquis, bon, clandestins, même autonomes, comme par exemple celui de René Cavagnier, dit Cavan, après si vous appelez Cavan, il a dû vous connaître, Cavagnier, Cavagnier, oui, qu'a dit Cavan, pas ça, c'est ça, je me suis trompé, c'est ça. Donc, bon, lui, il avait réussi à faire carrément un groupe autonome de résistance, c'est-à-dire qu'il n'était pas lié ni au gaullisme, ni aux communistes. C'est-à-dire que c'était vraiment, là aussi, d'un groupe, on pourrait dire, un réseau plutôt libertaire, hein, avec des... Alors, comme ils étaient dedans, j'ai pas réussi à trouver les chiffres. C'est-à-dire qu'il y en avait plus que ce qu'on croit, encore. Par contre, il va adhérer quand même provisoirement pour une question de tactique, à un moment donné, avec les murs. Le mur. Hein, bon, qui était un peu de tendance, qui avait quelques communistes et quelques socialistes dans le mur. Mais ça a été très transitoire. Et après, il est redevenu. Donc, ce qu'il faut savoir, qui est très intéressant, quand après, ensuite, il y a eu la militarisation des réseaux de résistance, il a refusé de devenir militaire, bien entendu, comme beaucoup d'anarchistes qui étaient dans la résistance. C'est ce que fait la résistance, ils ont refusé après de partir. Si certains leur ont proposé d'aller rejoindre dans la première armée française et tout ça, ils ont refusé. Eux, ils faisaient que de la résistance contre le nazisme en tant que militaire anarchiste, c'est tout. Après, il y a une mention particulière pour le fameux groupe anarchiste de Narbonne, là, dans l'Aude. Bon, eux, qui étaient bien sûr des plateformistes, et ils étaient à la Fédération du Midi, qui était une fédération très plateformiste, donc qui était, on pourrait dire, on les appelait les bolcheviques un peu là-bas dans le Midi. C'est l'Aude, c'est le Midi Rouge. Donc, et eux, c'est vrai que de suite, ils se sont engagés dans la résistance. Bon, ils étaient très liés déjà au milieu catalan, des résistants catalans. Pendant déjà la guerre d'Espagne, et là, ils ont continué, quoi, à fond, pour eux, c'était le même combat, quoi. Et bon, il y en a même... Mais alors, ce qui m'arrête, c'est qu'ils ne se sont pas engagés ni avec les communistes, ils ont préféré s'engager tout simplement avec les gaullistes, puisqu'ils sont allés dans l'armée secrète, carrément. C'est-à-dire qu'ils sont allés se battre à côté des gaullistes, carrément. Et il y a un homme qui s'appelle Lucien Gazier, qui était des responsables départementaux, donc de l'Aude de l'armée secrète. Bon, le plus connu, c'est bien entendu André Respo, je enfin, vous avez peut-être entendu parler de l'UNESCO, qui malheureusement a été arrêté, lui, pendant ses actions de résistance, et qui a été déporté à Buchenwald. Il en est revenu, il a fait le livre, qui peut-être réussira, vous l'avez, je crois. Voilà. Bon, et alors ce fameux groupe donc, de Narbonne, je vais un peu insister dessus, il s'appelait Élysée Reclus. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il y a des noms quand même assez connus, en particulier, il y a le seul qui est un peu différent là-dedans, c'était un militant que je n'ai pas mis dans le livre d'ailleurs, parce que je ne savais pas, en fait, je ne savais pas qu'il venait de Lyon, c'est Lucien René Huard. Alors il y en a qui le connaissent sur le nom de Lucien Huard et d'autres de René Huard. Et c'est la même personne, il s'appelle Lucien René Huard. Allez, je le dis peut-être que ça pourra aider ton copain du puits. Si tu le vois, tu lui diras, parce que je ne sais pas s'il hésite là-dessus. Donc c'est lui, c'est aussi un ancien, bien sûr, anarcho-syndicaliste. Et ce qui m'arrive, c'est que, bon, il était à la CGTSR, il est passé à la FA, ça c'est sûr. Mais il était quand même membre de la solidarité internationale antifasciste, donc il est le proche de Louis Le Poème, mais bon. Il ne faut pas oublier que dans la solidarité internationale antifasciste, même que ce soit Louis Le Poing qui l'ait fondé, il n'y avait pas que des gens proches de Louis Le Poing. Parce que ça aussi, on l'oublie, on pense que c'est que les proches de Louis Le Poing, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et donc lui, il a participé aussi à la résistance apparemment avec le réseau Narbonne, il est mort en déportation. Ça, c'est dans le livre parce que je ne le savais pas à l'époque, quand je l'ai écrit. Donc c'est pour une petite anecdote comme ça. Un autre important, militant plus important, c'était un militant entièrement pacifiste qui écrivait dans des ouvrages que de pacifistes et de même de non-violents, qui s'appelait Robert Drouin, qui était peintre aussi, qui était un peintre assez connu, qui habitait donc à Caen. Et lui, donc, il s'est carrément mis avec le réseau Alliance, qui était plutôt de droite, hein, parce qu'il y avait même des mecs, des royalistes là-dedans. Oui, mais non, mais c'était des artistes. Alors ils venaient d'horizons divers, mais c'est vrai. Au départ, c'était des gens qui étaient dans le domaine de l'art. Donc automatiquement, il pouvait y avoir aussi des royalistes qui étaient artistes, mais qui étaient anti-allemands. Hein, qui étaient, bon, ouais, il y avait de tout. Et lui, ce qui comptait, c'était surtout la lutte contre les... Parce que pourtant, il était extrêmement pacifiste. Hein. Mais là, il ne supportait pas l'occupation. Donc lui, ce qui était important dans son action, c'est d'une part, c'est que c'est lui qui a dressé presque toutes les cartes qu'on servait au débarquement allemand. C'est quand même pas le peu, hein, parce qu'il était bien entendu prof de dessin, il était sculpteur et peintre. Il a fait toutes les cartes pour le département, et bien entendu, bon, malheureusement, il a été arrêté, torturé en 1944. C'est, il n'a pas vu le département, lui, par contre. Et juste avant, à Caen, ils étaient en train de débarquer, et lui aussi. Donc il n'a pas vu un peu le résumé de sa mort. Parce que, bon, ça paraît pas, mais c'était pas facile pour un gars comme lui, parce qu'il connaît Douin, c'était vraiment un pacifiste. Et il était vraiment... Je ne sais même pas comment il a pu arriver à faire ça. Je pense que ça a dû lui coûter, mais il a dû se faire à la part des choses. Il a dû se dire peut-être, bon, il faut que j'aide à libérer ce pays, ça y est. Il était peut-être trop anti-nazi. Puis c'est-à-dire que lui, il vivait à proximité aussi de toutes les défenses allemandes, alors il s'est peut-être senti plus concerné que les autres, ça c'est sûr. Bon, après, anecdotiquement, on peut parler aussi quand même, enfin, anecdotiquement, c'était important quand même. Il y a eu une résistance aussi dans l'agisme. Bon, il y a eu dans l'agisme, il y a eu de la collaboration, ça, vous le savez. Les opérations de jeunesse, excusez-moi, mais quelle raison. C'est vrai que c'est parce que c'est l'agisme. Oui, les opérations de jeunesse. Bon, même dans les opérations de jeunesse laïques, il y a eu quelques collaborateurs. Mais il y a eu aussi beaucoup de jeunes de jeunesse qui ont participé au réseau de résistance. Et bon, il y a des noms quand même très connus, enfin bon, il y a quand même Chauvet, quand même, il faut parler dessus si vous voulez, qui n'était pas entièrement encore acquis à l'anarchisme, mais qui est devenu anarchiste pendant la résistance, puisqu'elle a travaillé avec Robu, enfin le réseau Robu, qui était un réseau de militants anarchistes espagnols, enfin il y avait pas mal d'espagnols, mais il y avait aussi des français, pardon, de Saint-Malo. Et c'est comme ça qu'elle est devenue anarchiste, et qui après elle a rencontré Maurice Joyeux. Ceux qui connaissent l'histoire. Mais elle était assez philo au départ. Enfin, elle était même pas. Elle était même de la tendance plus vert, oui. Ouais. Voilà. Bon, tout ça, donc, en fin de compte, c'est ce qu'on pourrait dire les gens qui sont allés dans la résistance officielle, je dis bien. Mais il y a ce qu'on appelle le mouvement de résistance libertaire clandestine, dont j'ai un peu parlé quand je parlais de Toublé tout à l'heure. Donc il y a eu deux de résistance, bien sûr, en zone sud. Bon, moi, je ne voulais pas développer, parce qu'on était à Marseille. Donc, j'ai jugé que, quand même, vous connaissez, tout le monde connaît l'action de Jean-René Saulnier. Parce qu'autrement, Guillard, parce qu'autrement, bon... Qui n'était pas la causerie. Ah. Ah oui. Moi, je l'ai préparé, là. Oui, mais tu l'as dit. Non, à Rue, je pensais parler dans le débat, parce que, bon, c'est vrai que dans à Rue, bon, comme je l'ai expliqué au début, comme on a pu le voir, il était donc à la AFA, donc cette organisation qui était donc la... on pourrait dire une organisation... qui réunissait des synthésistes, hein, c'était pas des plateformistes, hein, faut pas le croire, mais quand même qui étaient révolutionnaires. Ils se définissaient comme ça. Vauline, etc., ils te disent qu'ils étaient révolutionnaires. Non, c'était pas des pacifistes, tout à fait. En rue, je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas s'ils se disaient intégral, mais je pense pas. Bah. Oui, oui. Parle fort, parce qu'on t'entend pas bien. C'est pour ça, parce que moi, j'ai pas connu, moi. Oui, oui. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui. Je crois qu'il y a une petite particularité quand même à Bordeaux, c'est que contrairement à ce qui se passait dans votre vie, dans votre région, il y avait des liens très, très sûrs entre les différents clans. C'est-à-dire qu'il y avait des individualistes, clairement entrés d'ailleurs à l'université, mais les individualistes allaient aux conférences, par exemple, de Sébastien et petit à petit, donc, certains. Et il y avait des liens avec les révolutionnaires, et c'est tellement vrai que quand André a décidé de s'être maître et de s'occuper au couteau, il a pris, avec son accord, le livret militaire réformé, leur copain, qui était un des militaires, et qui a sorti de la terre. Alors, en réalité, ça n'est pas entendu. C'est compliqué. Bon, et puis, oui, ça faisait. Vous avez 50 ans. Ça se voit, maintenant ça se voit. Oui, ça se voit. Voilà. Mais donc, il y avait cette. On était le plus proche, on allait soutenir les copains. Et je crois que ça, c'est très important. Et alors André était complètement. Alors, il était anti-militariste déjà, il était en sortant de son esprit de tête, et c'est pour le problème. Et il a discuté, donc il a compris. Mais il s'est soumis. Ce qui raconte dans son mémoire, c'est que c'était une quinzaine. Au moment vraiment de ne pas rejoindre les armées, ils étaient trois, et on s'en rendait compte, c'était une chose qui était vivante. Donc la même mesure est toujours possible. C'est pas évident, c'est difficile. Voilà, ce que je voulais dire pour rentrer, c'est que c'est terrible. Il a pris contact très rapidement avec les copains. Avec Vauline, qui habitait à Vieux-Mont-Restant, à côté de la préfecture, et qui d'ailleurs devait s'y rendre tous les mois pour porter ses papiers, selon les filles, prenaient Vauline pour le dominer. Parce que chez les anarchistes, ils ont été flics, les chanteurs, qui appelaient violents et les illuminés. Les flics avaient placé Vauline dans les illuminés. Donc, ça se passait chez les gars, d'autant plus que Vauline était placé. Et donc, c'est assez rigolo, parce que dans le même temps, quand il a souligné de participer aux réunions, c'est-à-dire des réunions internationales, puisqu'il y a des gens qui carrément sont rentrés. Marseille, à cette époque-là, on a vu des cœur, c'était le haha. Les gens, ils arrivaient là, c'était, il y avait la merde là. C'est importé, c'est donc à l'époque, il y avait beaucoup d'entités et c'est comme ça que ce groupe, on a mis parler un peu toutes les langues. C'est assez particulier. Comme... Oui, c'était un groupe un peu international. Il y avait un chèque, un tchèque, un mec qui n'a pas sa provision, mais attendez. Ouais, des Italiens, des Espagnols, oui. Voilà. Ça, bon, Russes avec Bouline. Alors, par contre, j'ai jamais su qui était l'instituteur, moi. L'instituteur. J'ai jamais trouvé son nom. L'instituteur. Je vais appeler l'instituteur parce que c'était apparemment il était en relation avec les réseaux de résistance, mais j'ai jamais su son nom. Il a toujours été appelé l'instituteur. Ah, il doit être instit, ça c'est sûr. Mais ça c'est. Là, je suis d'accord avec vous, ça. Il n'y a pas une histoire, il y a des histoires. Voilà. Pour en savoir plus, là je fais juste une petite parenthèse. Ouais. Là, les bouquins qui sont là, ça fait partie de la librairie, ils sont en vente. Il y a le bouquin de Michel Sahut et il y a un bouquin qu'a écrit Sylvie en collaboration avec Francis et qui retrace l'itinéraire dans le. Où on était. Oui, bon, mais ce que je voulais savoir, c'est que bon, André Arrue dit aussi que par exemple, il n'a jamais eu au départ, bon, il ne voulait pas avoir de contact avec la résistance. Et moi, quand j'ai fait mon enquête, je me suis rendu compte que ce n'était pas. Bon, c'est pas tout à fait vrai dans le sens qu'à un moment donné, bon, il a re-rencontré vers plus tard, hein, vers la fin de la guerre, je crois que c'était en, je ne sais pas si je retrouve dans mon bouquet, enfin bon, la date n'est pas importante. Il a rencontré de nouveau la paix une fois qu'il a été sorti, parce qu'il a failli être fusillé comme otage. Ils ont décidé quand même d'avoir des relations avec la résistance officielle. Donc il faut quand même savoir justement, parce que justement je vois qu'il y a le réseau d'évasion du groupe. Il a eu des relations en rue avec ce groupe-là. Mais je ne dis pas des grandes relations, hein. Mais dans la résistance, vous savez très bien que tout était cloisonné et que c'était juste des petits contacts. Mais il a eu des contacts avec des militants qui étaient dans ce réseau. Les frères Lyon aussi. Ils ne se sont jamais revendiqués comme étant dans la résistance. Les anarchistes, ils ont toujours revendiqué qu'ils avaient été des résistants. Oui, voilà, mais c'est différent. Même ceux qui étaient dans la résistance soi-disant officielle, entre parenthèses, bon, ils se sont servis, disons, des arcanes de résistance officielle, ou plus ou moins combattre, ou faire de la propagande, ce que vous voulez, ou de l'entraide, ou des filières d'évasion, enfin, même de donner à manger, il y a des tas de trucs, parce que c'était très important. De l'entraide, c'est surtout l'entraide qui les intéressait. Ils se sont jamais réclamés de la résistance officielle. Ils ont toujours été qui dit que, à part peut-être Respo qui a un peu peut-être accepté quelques machins, hein, je crois que c'est tout. Oui, mais, enfin, surtout Respond, mais il n'y a pas eu beaucoup, entre nous soit dit. Ils ont surtout dit qu'ils étaient des résistants à un pouvoir qui est antidémocratique. Et fait, bon, le nazisme, c'est quand même quelque chose de particulier. C'était pas c'est antinomique avec l'anarchisme, quoi. Donc, c'est difficile. Non, mais parce que moi, voilà, pour revenir sur cette histoire, parce que moi j'ai rencontré le gars qui... Je trouve ça, parce que moi j'avais pas préparé, hein, parce que je pensais que vous étiez bien au courant, j'ai dit, je vais pas leur sortir encore en la rue, ils vont me dire... en plus je l'ai pas noté, c'est ça qui est dommage. La page... Ouais, non, mais bon. Non, mais... Celui-là, non, je l'ai fait, mais je l'avais fait, ils n'ont pas vu. Donc, tu sais, c'est dur pour se faire éditer ton nom. Il a fait une époque, il y a quand même plusieurs militants, par exemple Moulin Jusdin, là, qui habitait à Montpellier, qui était membre des FFI. Il a été en contact avec André Arrue, m'a dit. Vous connaissez ? Non, mais ce sont des contacts. Je ne dis pas qu'il a collaboré à la résistance sociale. J'ai dit, à un moment donné, par entraide, pour se faire passer des... Bien qu'ils aient voulu être toujours à côté, que ce soit aussi bien du côté parisien que même André Arrue, ils ont de temps en temps eu affaire à des militants qui étaient dans la résistance. Même bon, si on prend l'instituteur, il était dans la résistance. Bon. Je sais bien qu'il est à part, parce qu'il a toujours revendiqué que, en fin de compte, il ne se battait pas avec, pour De Gaulle ou pour Torres. Hein, mais... Oui, mais justement, moi je voulais en parler à travers un autre personnage. Mais... Oui, le fameux FFI qui ont refusé de les libérer parce que justement ils étaient anarchistes. Hein. Et ça, c'est les communistes. Bon. Mais pendant les communistes, il faut pas oublier, ils ont fait pire. Il ne faut pas oublier que quand même les communistes, ils ont carrément fusillé des militants anarchistes, trotskistes et même ce qu'on appelle de l'ultra-gauche, bon, parce que les bourdiguistes, des gens comme ça. Hein. Si vous connaissez, c'est un peu compliqué, les tragoches. Donc, passons. Disons qu'ils ont fusillé tous ces gens-là. Il y a d'ailleurs Boulogne, que je crois, qui a sorti un truc dans le livre noir des communistes. Non, je pense qu'il y a, je ne l'ai pas lu. Je pense qu'il doit justement parler de tout ce pouvoir-là. Ils en ont même profité pour supprimer des camarades, eux, qui ne jugeaient pas dans la ligne. Même, et des socialistes aussi. Et des socialistes aussi. Je veux dire, c'était pas des enfants de mon cœur, les communistes. Ils ont d'abord été avec les nazis, tant qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Ils n'ont pas bougé en droit. Et à partir du moment où Hitler est en train de venir avec Staline, ils ont été aux ordres de Staline. Ils n'ont jamais été aux ordres d'une révolution ou de n'importe quoi. Ils ont été aux ordres de Staline. Et ils n'ont fait qu'obéir qu'à des ordres qui venaient déjà du Comintern et qui étaient donnés par les Staliniens. Oui, mais il y a toujours des exceptions, heureusement, parce qu'il faut bien des exceptions pour sauver le monde. Mais en fait, dans la grande majorité, ils étaient tous liés par le stalinisme. Et c'est pour ça que, bon, ne libérant pas des anarchistes, c'est pas étonnant du tout. Et je vous dis, ils ont même fait pire, puisqu'ils les tuaient carrément. Hein. Ou alors ils les envoyaient devant les Espagnols, c'était leur problème. Ils les envoyaient en premier. Il dit, oh, vous êtes habitué, vous, comme vous avez fait la guerre d'Espagne, vous êtes de bons soldats, partez en premier. Ils sont massacrés, tranquille. Non, mais ça, c'était terrible, parce que ça a été vraiment décrit par tout le monde. Hein. Est-ce que tu avais prévu de parler des Espagnols les Espagnols, je n'en ai pas parlé, parce que vous allez en avoir bientôt, bon, et puis les Espagnols, c'est un peu connu. Bien sûr, les Espagnols, ça a été, donc, dans la résistance française, ceux qui étaient les plus nombreux, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans les camps en France, souvent, coincés en France, et quand il y a eu l'invasion, bien sûr, des nazis, ils avaient qu'un choix, ou soit ils partaient dans les camps d'extermination, ou soit ils prenaient le maquis. Pour se battre. Donc ils ont préféré prendre le maquis, ils ont continué à se battre en France. En plus, pour eux, c'était le même combat. En plus, ils avaient l'espoir étant donné que Franco était quand même un allié de Mussolini et de Hitler, soit après la libération de l'Espagne, soit libérée par les anglo-américains et français, par les franco-anglo-américains, et qui les aident à reconquérir l'Espagne, à installer une république espagnole. Donc, c'est sûr que eux, ils sont mouillés, mais en fait on les a pris pour les dindons de la farce, parce qu'il faut dire la chose, on les a pris pour de la chair à canon. Ce type-là, c'était des purs. Ils se sont battus pour la France. Souvent, bon, maintenant on commence quand même à en parler un peu, mais des fois sur les monuments morts, des fois on les voit même pas là apparaître. Mais il n'y a pas que, hein. Je parle d'eux en particulier, mais il n'y a pas que. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ces gars-là, ils se sont battus bon, contre le nazisme, pas pour la France. Je vous précise, contre le nazisme. Voilà. Il y en a eu d'autres, il y a eu des militants aussi bien entendu antifascistes italiens, qu'on pourrait citer, des nazis allemands et autrichiens, et bien d'autres, quelques portugais, même, et beaucoup des tchèques, des pays de l'Est, des bulgares. Parce que la résistance française, c'est pour ça quand on vous dit, oh les anarchistes n'étaient pas nombreux dans la résistance française, mais la résistance française, si on compte le nombre de Français déjà, et tout le nombre d'étrangers qu'il y avait dans la résistance française, la patrie de juifs aussi, parce qu'il y avait eu des juifs aussi, d'antinazis ou de juifs, etc., qui étaient dans la résistance française, des apatrides, comme même des Arméniens, il y a eu des Arméniens. Donc, en réalité, les Français n'étaient pas si nombreux que ça. C'était plus les apatrides qui étaient dans la résistance française, que les Français proprement dit. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de Français non plus. Mais c'est pour ça que quand on regarde par rapport aux 1600 anarchistes, disons, bien militants d'avant-guerre, avec ceux qui ont fait de la résistance aussi bien, la résistance dont je suis en train de parler, celle du mouvement anarchiste, ou qui sont allés dans la résistance officielle, comme la résistance anarcho-syndicaliste. Bon, j'aurais pu parler de l'insurgé aussi. Il y a eu l'insurgé, il y avait beaucoup de puvertistes. Il y avait aussi beaucoup d'anarcho-syndicalistes et de syndicalistes révolutionnaires à l'insurgé. Ça, c'est un mouvement typiquement lyonnais, enfin, lyonnais surtout, mais qui a un peu rayonné jusqu'à Grenoble, qui est allé après jusqu'à Toulouse, où ils ont milité avec des syndicalistes, enfin, des socialistes. Parce que les plus mal lotis dans la résistance, ça a été les socialistes et justement les anarchistes et les trotskistes. Parce que, en fait, ils étaient tiraillés entre les deux grands pôles qui étaient les communistes et les gaullistes. Et dans les gaullistes, il y avait aussi des extrêmes droites. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que tout le monde oublie, mais il y a quand même des cagoulards, et même des croix de feu qui ont été dans la résistance aussi. Ils ne sont pas tous, parce qu'ils étaient anti-allemands avant tout. Ils préféraient se battre contre les Allemands que d'aller dans la collaboration. Donc c'est très compliqué, c'était une période très compliquée, très obscure. C'est pour ça qu'il faut toujours tout relativiser. Et il ne faut absolument pas, comme disent le mec, le trotskiste, que en fait les anarchistes ils n'étaient pas présents du tout, enfin, que ça montre les miettements du mouvement anarchiste. Les autres, ils étaient exactement dans le même état. Bon, les trotskistes, même à un moment donné, ils avaient les mains liées de nouveau par le pacte germano soviétique, ils oublient de le dire ça aussi. Parce que Trotsky leur avait dit pas d'intervention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bon, pour quand même parler quand même de véritables bons anarchistes, puisque eux ne se revendiquaient ni de Dogon, ni de Torres, ni de personne. Bon, il y a eu Tommy sur Aru dans le sud. Je voulais parler de Deluré, qui était. Voilà, parce que Deluré, il a essayé de le faire évader André. Mais ça n'a pas marché. Qui était de Villeneuve sur Lot. Parce que dans le Lot, bon, il y avait bien entendu un anarchiste qui était très connu, qui s'appelait Durtin, qu'on appelait Durtin, capitaine Durtin, et qui en réalité était un anard, et qui avait adhéré exprès au Parti communiste pour pouvoir tenir Titi, pour pouvoir tenir son. Oui, il s'était fait passer pour. Carrément, il a pris la carte du parti pour qu'on le foute la paix et pour qu'il puisse tenir son réseau. Mais il n'était pas du tout communiste, mais bon. Et il y avait aussi donc certains qui étaient restés sur la ligne purement anarchiste, comme bien entendu Deluré. Et Deluré, qui faisait le pas entre les deux, hein, Deluré, il a servi de lien en fait justement entre Aru, qui est resté un peu dans le sud, et le mouvement parisien autour d'Henri Bouillet, de Tressan, et de. Il y avait encore, il y avait. Il s'appelait le. syndicaliste, j'ai pas fait son nom. Attends, c'est pas Carpathian, c'est. Non, mais ça, c'est les tout premiers. J'étais trois, quoi. Enfin, oui, il y avait Gilberte Davos, quand même, qui était portante, et Louis Laurent, je vois, c'est Louis Laurent que je cherchais, excusez-moi. Oui, Louis Laurent, oui. C'est lui qui a fait le lien entre les anciennes de la AFA et les syndicalistes révolutionnaires. Hein? Oui, non, mais il a fait un peu d'économie aussi, mais comme tous les anarchistes, pourquoi? C'est connu, donc ils sont. Ah, tu l'as reconnu, oui, parce qu'il est allé sur la loi, non, parce que comme il est allé sur la loi, mais c'est plutôt. Il est revenu vite vers les bons pour lui. Oui, il était vieux. C'est difficile. Ouais, ouais, c'est compliqué. Donc, on va parler de l'UV vite fait. Si vous voulez poser des questions, à part que vous voulez un peu parler de Paris, si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas si vous connaissez Paris. Bon, Paris, d'abord, il y a eu une tentative de regroupement qui s'était fait avec François Carpathy et André Sénès. Mais ça n'a pas marché parce que c'est des anciens militants de la FCL, mais bon, donc ils étaient donc des plateformistes. Mais ça n'a pas marché du tout. Parce qu'en fait c'était un peu trop tôt, et puis surtout que bon, Sénès n'était pas très fiable, on peut dire, et Carpathian, lui, c'est vrai. Non, mais bon, Sénès, il a abandonné au bout d'un moment, disons qu'il s'est vite dégonflé. Et donc après, ensuite, c'est à son retour, donc, parce qu'Henri Bouilly, il est allé se battre, la déclaration de guerre, lui aussi. Donc, il a été mobilisé, et c'est à son retour qu'il a monté, donc, sur le nom d'Henri Duval ou d'André Vigne, donc, un réseau. D'abord de passage pour les juifs et les personnes donc, qui étaient inquiétées par l'administration allemande, puisque c'était occupé Paris, c'était les Allemands là. Et donc il a installé dans sa cave donc, des moyens de pousser justement tous ces gens-là. Et puis aussi, bon, il avait beaucoup de prospectus. Au départ, qui était essentiellement anarchiste, puis après, ensuite, il a aussi caché un peu pour Libération Nord, parce que comme là aussi, ils se sont décidés un peu à aider Libération Nord, comme il y avait quelques anards dans Libération Nord, donc ils ont aidé un peu Libération Nord, à un moment donné. Bon, l'autre personnage qui a été important, bon, on avait dit Gilberte Davos, elle était avec les jeunesses anarchistes, au départ, donc c'est elle qui a réuni un peu tous les jeunes militants qui étaient disponibles sur Paris. Louis Laurent, comme j'ai dit, bon, lui, c'est peut-être lui qui au départ a eu l'idée, Louis Laurent, en réalité, de mettre en place toute cette structure. Et donc lui, il a fait surtout le pont entre Henri Bouilly et Tressan, parce que Tressan, il était sur une ligne très syndicaliste révolutionnaire, et Bouilly était plutôt spécifiste, donc ils n'arrivaient pas trop. Alors même pendant il a été obligé de faire un peu le pendant entre ces deux personnalités un peu particulières. Et donc là, à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait sur Paris? Bon, ce qui est important, c'est que c'est eux qui, en fait, sur Paris, ont organisé, on pourrait dire, un peu les modalités de l'éclosion de l'AFA d'après-guerre, quoi. Ils ont essayé un peu de préparer en plus de tout ce qu'ils faisaient, bien sûr, l'entraide, les faux papiers. Bon, ils faisaient beaucoup de faux papiers, puisque bon, il y en a un qui va être arrêté et tué, malheureusement, à cause de ça. Hein. Il y a pour Laurent aussi, c'est qu'il travaillait chez un agent de change. Il y a parfois où la bourse Laurent, oui, il était agent de change. Mais même Laurent, moi je l'ai entendu parce que je ne l'ai pas marqué dans le bouquet. Oui, et l'agent de change, il était royaliste. Donc, comme quoi ça sert. Donc, il se mélangeait à l'époque, il était obligé. C'est un royaliste, il leur dira si c'est pour faire de la résistance, je vous prête la place. Là. Donc, on soit anarchiste, je m'en fous. Moi. Si vous voulez faire la résistance, je vous prête la place. Mais je ne l'ai pas marqué parce que bon, c'est vrai qu'il y a des anecdotes, il y en a des tas comme ça. Bon, mais ça, c'est. Bon, Julien Toublé, lui aussi, il est parti donc au front, il est revenu, comme bon, je vous ai dit un petit peu, il s'était égaré là au départ, il avait monté ses bijoux, là, sa coopérative de bijoux fantasy, là, avec des camarades, hein, et... bon, il s'était un peu égaré dans deux ou trois réunions pour la charte du travail, mais après, il a vite vu que c'était une idée aussi, donc il a lui aussi organisé son propre réseau. En réalité, il y avait deux réseaux de passage. Un qui était organisé par Bouillet, qui s'appelait Vigne, donc, et un autre par Julien Toubli, qui se faisait appeler Tressan, excusez-moi. Parce que Tressan, c'est Julien Toubli, en fait, Tressan. Parce qu'ils avaient des noms, bien entendu, des pseudos pour ne pas être reconnus par la police. Hein. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à savoir, ça est sur Paris, c'est que, il y a quand même pas mal de monde qui a participé. Ils se réunissaient plusieurs fois dans des bureaux, surtout des travailleurs fleuristes, de la Bourse du Travail. Hein. C'est là qu'il était fleuriste, Bouillet. Parce que Bouillet était fleuriste, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Donc, c'est important. Hein. Et bien sûr, comme il a dit, les agences de chasse de change, excusez-moi, j'y arrive plus, je vais boire. Hein, change. Ouais, parce que ça fait dur. Bon, bien sûr, autour d'eux, donc, est revenu quand même des gens bien connus, comme Georges Vincé, qui donc lui était un petit patron, hein, mais qui était un individualiste, qui était de la FAF, un ancien de la FAF. Or, ce qu'on peut remarquer quand même, que dans ces gens-là, on trouve très peu quand même de l'Union anarchiste. C'est toujours des gens qui viennent de la FAF, soit ou de la CGTSR. Mais l'Union anarchiste, curieusement, ils ont disparu. Voilà. Pendant l'occupation, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En tout cas, ils ont disparu, se sont volatilisés, ils sont allés du côté de la collaboration pour quelques-uns, c'est deux ou trois, mais bon. Et alors, donc, si on regarde bien les noms, il y a quelques noms qui ont réussi à sortir. Il y a fait le fameux Georges Gourdin, qui sera donc ce jeune homme-là, qui faisait énormément de faux papiers, qui était un doué faux papiers, et qui malheureusement a été arrêté par les Allemands, il est mort en camp de concentration. Donc, il était quand même actif apparemment. Et son père était déjà anarche, si je me rappelle bien, en Gourdin. Je ne sais pas si vous le savez. Et en plus, lui aussi, il était lié un peu avec quand même celui qui avait un peu poussé Bouillet à se lier avec Libération Nord, parce qu'il était quand même, comme il était jeune, il voulait que ça soit un peu efficace. Donc il pensait que de collaborer un peu avec la résistance, disons, socialiste à l'époque, parce que pour eux c'était socialiste, et un peu syndicaliste révolutionnaire, c'était pas trop mal. Par contre, il y a eu un débat important entre Bouillet justement et Toublé, à cause de cette aide, parce qu'en fait, ils faisaient que l'aider. Ils ne s'étaient pas inscrits dans la résistance, dans la Libération Nord. Ils n'étaient pas membres de Libération Nord. Ils faisaient que juste cacher des forces ouvrières, puisque ça s'appelait comme ça, forces ouvrières. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont créé forces ouvrières. C'est des forces ouvrières, ils cachaient, et puis après ça, justement après, ça s'est appelé défense ouvrière. C'est là où Bouillet n'a plus été d'accord, parce que ça faisait trop gaulliste. Trop gaullisant, comme il disait. C'est trop gaullisant. Défense ouvrière. Mais je sais pas. Bon. Enfin, ça, c'est des anecdotes aussi, mais c'est marrant. Et donc, le curieusement, lui, Toublé, il ne voulait pas du tout collaborer avec la résistance, mais il disait, il faut à tout prix qu'on travaille avec la CNT. Et c'était marrant parce que la CNT, en fait, eux, ils étaient inscrits dans les réseaux, quoi. Ils étaient dans la résistance, la CNT espagnole, hein. Ils étaient dans la résistance officielle. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça un peu, que je lui ai dit, mais pour lui, c'était pas, il ne voyait pas, quoi. Pour lui, la CNT, c'était pas la résistance officielle. Donc, chacun voyait un peu la midi à sa pendule. Hein. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils se retrouvaient responsables des deux parties. Bouillet s'est occupé exclusivement de ce qu'on appelle le côté spécifique, et Tressan du côté syndicaliste. Et on verra que plus tard, ça verra que dans la fondation, quand les anarchistes vont après-guerre fonder les différents groupes, donc Bouillet va se retrouver à fonder donc, la Fédération anarchiste française, il sera à l'origine, alors qu'on verra Tressan aider à fonder la CNT française. Donc, qui a passé par plusieurs noms, hein, avant de s'appeler la CNT, ça a été compliqué, ils sont voulu rester dans la CGT, fait, très compliqué. Hein. Bon, mais ça a toujours été comme ça, hein, c'est pas ce qui était... Bon, il y a tout le monde connaît aussi la fameuse promenade de 2010 dans la forêt de Montmorency, parce que bon, ils avaient mis ça pour pouvoir se réunir incognito dans une forêt, ils avaient fait une affichette où ils appelaient ça un foyer naturiste. Foyer naturiste de la forêt de Montmorency, et c'est, en fait c'était une réunion de tout un tas de militants parisiens. Et d'ailleurs on connaît quelques noms, on a réussi à trouver quelques noms. À cette réunion, il y avait bien sûr Bouillet, ça c'est certain, il y avait Louis Louvet, Louis Piqueret, Anne et Louis Giraud, Hélène Labastar, la compagne de Georges Adam, Simon Larcher, bon, qui s'appelait pas Larcher, c'était Vilsec, son véritable nom, c'était son pseudo, ça, qui était la compagne de Louvet, hein. Marshall, Albert Védrin, Aimé et Marthe Capel, et il y avait aussi... Henri Bouillet, Georges Vincé, Rachel Lantier, Émile Babou, je ne sais pas si vous connaissez Émile Babou, qui était un militant qui était syndicaliste aussi. Et après, il y en a d'autres qui les ont rejoints, mais il y en avait d'autres, hein, avec eux certainement, bon, j'ai cité Grandin tout à l'heure, il y avait aussi Dawas, hein. Bien entendu, bon là, elle n'y était pas à cette réunion, parce qu'elle s'occupait plus des jeunes, d'Awas. Alors dans les jeunes, ils avaient fondé aussi un petit groupe qui s'appelait les éclaireurs, qui était un petit groupe de scouts, enfin un peu de routiers, comme ils appelaient, et qui permettait de monter aussi des caches quand même de travailleurs du STO, ou des jeunes anarchistes qui fuyaient le STO. Il y en avait plus de 500, je crois, planqués dans une retrouvée d'un document que j'ai trouvé. Le naturisme, ce n'était pas interdit, ce fait-là. Non, le naturisme, ce n'est pas interdit. Tu sais bien que Claire adorait tout ça. Les animaux, la défense des animaux, la nature, les bons bords de femmes. Ça l'intéressait, Adam. Pourtant, il était végétarien. Hein. Il était comme toi, un peu comme toi. Mais c'est vrai pas mal, hein, parce que c'est le mien d'être végétarien. Je plaisante. J'espère. Voilà, oui. Donc sur Paris, de ce Paris, donc ils ont réussi à s'organiser comme ça. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que Bouillet, donc lui, ensuite, il rentrait en contact avec Haru. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentrait en contact avec Haru, donc on a par le fameux de Lulé. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même, oui, après, il est parti, donc en visite à travers toute la France. Hein. Donc il est parti là-dessus. Mais alors le problème, c'est qu'il a été obligé, étant donné qu'André était arrêté. C'est la période où André Haru était en prison, prisonnier, donc lui, il a été obligé d'aller dans le sud pour essayer de mobiliser les militants. Bon, il décrit un peu ça avec un peu d'humour, il dit qu'il est tombé sur des militants encore un peu de l'entre-deux-guerres, qui voyait arriver cette espèce de pigeon qui voulait monter une organisation anarchiste d'un air un peu oblique, en disant qu'est-ce qu'il veut faire celui-là encore, monter une organisation anarchiste, alors que c'est encore la guerre, hein, enfin, il a été accueilli des fois tièdement, hein, il faut le savoir ça. Hein. Et au contraire, très bien dans certains cas, bon, bien sûr, quand il est tombé à Narbonne, par contre, Narbonne, il a été accueilli, ils étaient ravis, les Narbonnais. C'était les mêmes, hein, c'était Raspo et compagnie, enfin, c'était toujours les membres du groupe Élysée le recul, toujours les mêmes. Hein. Donc c'est pour ça, bon, c'est en fonction des mentalités des uns et des autres, donc qu'il a été un peu accueilli. Bon, donc il y a eu aussi donc, la petite... ils se sont rencontrés donc un peu avant, hein, ça c'était avant hein, en réalité. Sur vous voulez la rencontre de Toulouse, c'est ça, vous, il a eu d'oublier la rencontre de Toulouse, parce qu'à lui il n'était pas encore emprisonné. Non mais après combien d'agents il y a eu lieu. Mais seulement le précongrès d'Agen, ça s'est pas très bien passé, je sais pas si vous savez. C'est là qu'a commencé la polémique entre Louvet et Bouillet. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai voulu Oui, je sais que, en fait, André, lui, il était proche de la paire, donc il était automatiquement proche de Bouvier, peut-être, hein, à l'époque, en fait, il pensait, mais... Voilà, il faut voir les lettres. Moi, je ne les connais pas, toutes ces lettres. C'est les connues. Après, il remet un peu chacun à sa place. Oui. Mais j'ai lu quelques-unes, quand même, hein, de ces lettres que vous aviez mis à... Je sais, c'est vrai qu'on a accusé Bouvier d'avoir monté la sauce contre Louvet, parce que parce que je connaissais Bouvier, donc Bouvier m'a raconté qu'en fait il avait accusé Louvet d'avoir monté son journal avec les listes de libertaires. Parce que, comme tu dis, c'était le pistolet sur la tempe, hein, pour cette ligne. Même moi, j'aurais bien aimé qu'un jour ou jour qu'il vienne à la Fontenisse, parce qu'il y a pas en état. Je sais bien qu'il n'est plus en état. Mais je lui ai dit, mais je sais bien qu'il n'est plus en état. Hein. Oui, mais c'est, là, c'est quasiment fini, hein, c'est un peu le débat. Hein. Bon, c'est donc à partir de tous ces actes-là, en fait, aussi bien de la région parisienne. Alors, c'est quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que la région parisienne, parce que c'est intéressant aussi, il n'y avait pas apparemment d'autres pôles. Bon, il y avait le pôle lyonnais, certainement, dans le mouvement insurgé, on sait qu'il y avait beaucoup d'anarchistes. Puis il y avait le fameux coq gilet dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'ils ont eu certainement quelques contacts avec ce groupe-là, puisqu'ils citent les lyonnais et aussi, bien sûr, les stéphanois. Les stéphanois, c'est pareil, c'était des groupes assez proches des syndicalistes révolutionnaires. Mais par contre, il y a un autre site qui cite, c'est sur Vichy, et là, j'ai rien trouvé. Et pourtant, il y a de Louvet en particulier, c'est Louvet qui en parle, il dit qu'il y a eu des contacts aussi avec des groupes de Vichy. Enfin, un groupe d'anarchistes sur Vichy. Ça, alors là, moi, Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Vichy, bon, puisqu'il y avait Pétain là-bas. Est-ce qu'ils ont joué un rôle important ou pas? En tout cas, moi, j'ai rien trouvé là-dessus. Voilà, c'est le seul point que j'ai pas réussi à élucider dans mon enquête sur tous ces groupes-là. Et bon, bien entendu, après, comme je vous ai dit, c'est là-dessus qu'ils se sont réorganisés, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la conclusion, c'était surtout que, bon, en fait, il ne faut pas trop rougir du rôle des anarchistes dans la résistance, puisque personne n'avait osé en parler en disant qu'en fait, ils avaient mal agi, que ça avait été surtout des collaborateurs, en fait. C'était ceux qui se disaient dans le milieu, en fait, dans la mouvance anarchiste, ou le milieu, enfin, on disait des... La mouvance anarchiste, c'est ce qui se disait, qu'il ne faut surtout pas en parler. C'est, disons qu'ils n'ont pas plus fait mal que plus, ils n'ont pas fait peut-être mieux, mais ils n'ont certainement fait pas plus mal que d'autres groupes d'extrême gauche, et même que les Français en général, parce que si on a quand même, même rien qu'en comptant ce que moi j'ai trouvé, et je suis sûr que je souligne la vérité, parce que chaque fois que je trouve le nom d'un militant, il était entouré d'autres militants anarchistes, mais il n'était pas seul, ça doit faire 1,8% d'anarchistes sur les 1600 qui quand même ont été résistants, alors que si on prend la population française en général, il n'y en a qu'un pour ça de la population française qui était la résistance. Donc c'est inférieur qu'un homme anarchiste, sur, à toute proportion. 1,8, ça fait presque 2. C'est une manière de la méditerranée. Il n'est pas d'accord. Mais, non, mais c'est pas une arithmétique facile. Mais si on regarde en proportion, qu'est-ce que ça représente les anarchistes en France? C'est une minorité. Si on regarde quand même les gens qui étaient plus du côté de la résistance que de la collaboration, il y a plus d'anarchistes quand même résistants. Bon, bien sûr qu'il y en a certains qui étaient attentistes, ou il y en a qui disent on s'est planqué, on a fait profit bas, comme Ménez, ou il y en a qui l'ont écrit. Bon, mais c'est vrai, bon, ils le reconnaissent. Mais il y en a aussi, en proportion, il y en a pas mal quand même qui ont été du côté disons, d'une forme de résistance. Parce que, surtout, ils ont redécouvert quand même pendant cette période, et tous ils ont insisté là-dessus, les vieux militants, ils ont retrouvé surtout le sens de l'entraide, le sens de la camaraderie, en fait, du compagnon, parce qu'ils étaient très proches les uns des autres, ils ont réussi quand même à faire pas mal de choses, surtout des filières de passage, même la paire, pour oublier que la paire, il a fait une filière de passage, j'ai oublié de le dire, mais sur, il a même fait passer des soldats américains, il a fait passer des soldats américains et tout. Donc je veux dire, ils ont aidé pas mal de monde, hein, ces gens-là, il ne faut, pas quand même pas l'oublier. Il y a aussi, il se faisait appeler Seigne aussi, non, à un moment donné. Jean Seigne, non? Je crois, il avait un nom. Il ne s'appelait pas que Arud dans la résistance. Il avait Jean, je crois qu'il se faisait. Il avait un faux papier, Jean Seigne ou un truc comme ça. Seigne, non? Oui, à la fin, moi. Oui, parce que justement, c'était cette période-là où il a été un peu en contact avec la résistance officielle. Si je vais à la fin. Oui. Mais il y a quand même Esther, il a été en contact avec Esther, qui était, je crois, c'était un militaire espagnol qui était dans, et c'est lui qui, je crois, qui lui avait confié quand même comme tâche de remonter la solidarité internationale antifasciste à Toulouse. Oui, oui, je sais, il a remonté, il a abandonné. Mais... Il m'a mis des Espagnols. C'est lui qui l'écrit dans une... Ah, moi, je l'ai lu dans une lettre, oui, qu'il a adressée à la paire. Anarchiste libertaire et qui montre qui s'est retrouvé dans un maquis dans les Alpes de Provence et qui montre un peu l'incompétence des commandements de comment ça se passait réellement et c'est très intéressant aussi. Ouais. Je connais pas ça. Et c'est un libertaire d'origine russe. Russe, oui. Oui, il y en a beaucoup aussi de Russes. Moi, j'ai oublié les Russes. Ouais. Je vous ai dit des tas de noms, mais pas les Russes. Et ça, il y en avait. Est-ce qu'il y a des questions des gens? Oui, vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'était pas très clair ou qui voulait, vous voulez élucider. Ou... Pour revenir sur l'histoire. Ah, allez, pardon. Non, je vais dire avant que justement ce soit une discussion à bâton rompu suite de la discussion le 10 janvier avec quelqu'un qui en a présenté Perra qui vous expliquera qu'il n'a pas été un odeur de sainteté à la Seine. C'est quelqu'un qui a organisé qui était dans les... Il a trop... guillemets services secrets de la Seine, c'est-à-dire qu'il exfiltrait des anarches qui étaient restés du côté de Franco. Il y avait les services secrets britanniques, voilà, et ça lui a été reproché par la CNT, mais moi je trouve qu'en fait il a eu raison, moi. Il en fallait un qui... Il a organisé des filières, il fallait que chacun fasse quelque chose. Il a permis à beaucoup de gens de s'échapper de France, quoi, et de fuir le nazisme. Comment les Espagnols, bon, ça a été... parce que les Espagnols, c'est vrai qu'ils étaient nombreux, mais bon... ça vous intéresse, vous allez en avoir, c'est, là vous allez avoir une autre source d'espagnol, ils vont vous parler que d'espagnol. Je ne veux pas vous faire déjà... Est-ce qu'il y avait Michel avait abordé l'histoire du pacifisme intégral et révolutionnaire. Ah oui, peut-être, on pourrait revenir sur ce débat. De revenir là-dessus. Qui est un peu épineux, mais bon, mais qui malheureusement, pour moi... c'est assez fondamental, quoi. Bah, au niveau philosophique, je parle. Que Camus, Oui, Camus, il était... Il non, mais avant, d'accord. Peut-être, de faire une petite définition des deux. Ça, quand est-ce qu'il en est revenu? Parce que moi, je voulais... Non, définir les deux termes. Définir les deux termes. Ah, le pacifisme révolutionnaire, là, les limites des... Ben, le pacifisme révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un pacifisme, c'est-à-dire que donc, les anarchistes sont des révolutionnaires, mais ils sont contre au départ, ils sont pour la paix. Donc si possible, évitons à tout prix la guerre. Hein? Donc pour éviter la guerre, installons la révolution. En gros c'est ça, c'est-à-dire que donc en tant que pacifistes, ce qu'ils essayaient, c'est soit de provoquer la grève générale, soit d'enrayer les processus de guerre, de manière à ce que la guerre ne déroule pas, ou si la guerre s'engageait, qu'elle se transforme en processus révolutionnaire. Voilà, en gros, c'était ça. Bon, mais si on pouvait aussi éviter carrément la guerre, et même la révolution violente, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que pour eux, il y a quand même toujours une limite à une non-violence totale, quoi. Il y a plus de non-violence. Il y a un passive. Violence passive, disons. Il y a une limite à la violence passive. Elle peut être active. Non, mais c'est justement, je dis que la non-violence, souvent, c'est de la violence passive. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que je veux dire qu'en réalité, c'est pas de la... Quand on s'enchaîne à une voie ferrée, un truc comme ça, c'est pas de la vraie non-violence. Parce qu'on est obligé d'avoir des forces de coercition qui tirent au-dessus. C'est pas un acte tout à fait non-violent. À partir du moment où on met en jeu des forces de coercition, des forces dites de répression, pour moi c'est une forme de violence. Je ne dis pas que c'est une violence absolue, mais au sens pratique du terme, c'est quoi? Moi personnellement je suis contre la violence, comme tout anarchiste, mais pour moi elle a des limites, on peut pas. Et, bon. Et l'intégral, le problème, c'est que ça aboutit sur Munich. Et ça aboutit sur la collaboration. Et surtout, ça aboutit une chose, c'est qu'un anarchiste, tel qu'il se dit pacifiste intégral, à ce moment, il met un trait, il dit, ah, plutôt la paix et l'invasion par des nazis, ou la collaboration avec des nazis, ou je ne sais pas, ou n'importe quoi, plutôt qu'une réaction violente contre... Et non, on ne peut pas. Il y a un moment où on ne peut pas, quand même, on n'est plus des anarchistes. C'est la limite de l'anarchisme. Et on prend tous les grands... C'est l'exemple d'une révolution. Non, mais je ne parle pas, bien sûr. Mais... Oui, mais il a fait une... Mais il a fait une forme de résistance, que vous voulez. C'est pas la résistance officielle qu'il a fait. Il a fait la résistance. Il a fait une forme de résistance, ce qu'on fait pas mal d'anarchistes. Mais c'est de la résistance, ça. Le bac. Il s'est amusé à faire un exemple. Quand tu vois ce qui s'est passé, tu peux te dire que la fête est un voyage. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps, hein, je suis jeune. J'en ai pris plein la gueule, ça m'a. fait la paix de certaines institutions. Après, j'ai vu l'hôpital, c'est pas un usage non plus. Mais non, mais la résistance, c'est pas l'usage, c'est fait par des hommes. Alors, mais qu'est-ce qui est l'usage qui est fait par des hommes? On peut quand même considérer qu'on peut être dans la situation intégrale sans. L'intégrale. Mais c'est pas du pacifisme intégral. À partir du moment où on résiste, on n'est pas un peu pacifiste intégral. C'est ta définition du pacifisme intégral. Non, c'est pas ma définition. C'est la définition de tous ceux qui affectent. Moi, c'est pas ma définition personnelle. C'est la définition de tous ceux qui ont réfléchi sur le pacifisme intégral et sur. Je sais pas, moi, tu peux. Il faut discuter avec. Je sais pas, moi, avec. Par exemple, on va prendre un mec de Lyon. Mais le mec de Lyon, celui qui écrit le petit lexique. Hein, est-ce qu'il vous dira? Il dira que c'est la limite de l'anarchisme. Tout le monde. Je dis pas tout le monde. Attends, je dis pas tout le monde. Hein. C'est pas parce que tout le monde a une certaine. C'est qui est considéré comme un acte de violence, c'est la parole. Vous voulez finir par attendez, je peux m'exprimer aussi quand même. Donc c'est pas facile. Il y a d'autres mais ça, donc, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'en réalité, c'est pas de la non-violence, c'est de la violence passive. C'est la violence passive, c'est-à-dire c'est un acte de violence passive dans le sens que le sabotage, je suis désolé, c'est une forme de violence. Bien sûr, on met pas. C'est exactement pareil que quand les jeunes activistes faisaient ce qu'on appelait des bombes symboliques, où on fait exploser une bombe devant un machin, mais que tue personne, surtout il fallait éviter à choisir des heures où il n'y ait personne pour pas qu'il y ait de mort ni rien. Mais pour moi, c'est un acte. Mais ça, on va dire, ah, ça c'est de la violence. Alors que mettre des trucs sur le caténaire, un sabotage ou enrayer une machine, ce que faisaient les ludistes, alors ça c'est plus de la violence, c'est de la non-violence. C'est du terrorisme. Voilà, c'est du terrorisme pour l'État. Les bons avions, ils ont dit que c'était des terroristes. C'est pour ça, chacun a ses. C'est violent, donc c'est pas parce que je dis violence passive, c'est pour rigoler. C'est une manière de dérision. C'est pour montrer que c'est pas vraiment non violent. Mais que c'est pas une violence extrême dans le sens qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas. Mais c'est quand même, quand on s'échelle, qu'on fait automatiquement qu'il y a des réactions de force de coercition, que des CRS viennent vous prendre, vous tirent dessus, les CRS pour vous enlever, il fait un acte de violence, je l'ai fait moi. Pour moi, il faut des actes de violence, ils vous tirent et tout ça, vous avez vachement. Mais pour moi, en fait de compte, ce que je faisais là, c'est pas de la non-violence, je faisais de la violence passive. C'est-à-dire, je me laissais traîner par les flics, mais je les emmerdais. J'essayais de les enrayer, de les empêcher de rentrer. Non, moi je peux. Force de coercition, je parle. Force de coercition, c'est de la violence. À partir du moment où il y a intervention de la police, c'est de la violence. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on définit ça comme non-violence? Pardon, qu'est-ce que vous voulez? Une violence qui est normale. Laquelle? Ça n'a rien à voir avec une violence. Ah oui, ça n'a rien à voir que de tuer quelqu'un avec un fusil, ça je suis d'accord. Hein. Attends, je ne pas, je le mets pas sur le même degré. Hein. J'ai jamais dit que je mettais la. Ça pourrait donner un autre nom que violence, d'ailleurs. Moi, je n'aime pas le terme non-violence, ça me paraît bizarre. Non, c'est résistance plutôt que. Voilà, oui, d'accord. D'accord avec vous, là. Si on dit, voilà, c'est de la résistance, oui, une forme de résistance, oui, de. Oui, plus que de la non-violence. Ce non-violence, c'est pas applicable, quoi, ça me fait du bruit, donc. Ah oui, je Oui, et c'est le problème fondamental de la philosophie. Parce qu'il y a une barrière derrière les mots, dans chacun a son idée du mot qu'il emploie. Et bon, particulièrement. Et peut-être, oui, et peut-être qu'en fait on entend la même chose, mais derrière des noms différents, et qu'on est en train de perdre notre temps et notre salive va pourrir. Oui, entre parenthèses. Parce qu'on a beaucoup de points communs. Non, je pense que c'est un peu un faux débat, hein, c'est pour dans nos voix. Non, non, je pense qu'il y a des gens, effectivement, on peut mettre ce qu'on veut sous. Enfin, non-violence, il y en a qui le considèrent d'une façon, toi tu le considères d'une autre, et donc non, mais là le débat est un peu fou. Non, mais là c'est un peu provocateur ce que j'ai fait. Bon, c'est parce que j'estime que, bon. On a trop tendance à mettre maintenant sur la non-violence tout un tas de faits historiques qui ne sont pas comme la libération de l'Inde, il y a des excès historiques aussi qui m'énervent. Quoi. Et c'est un terme qui devient un peu agaçant. L'Inde est un pays très violent, il y a eu des non-violents qui ont participé à l'indépendance de l'Inde, on peut dire comme ça. Mais il ne faut surtout pas dire que l'Inde est un pays non-violent. Certainement. Il ne faut pas dire que Gandhi a réussi à lui tout seul à libérer l'Inde de manière non-violente. Donc, on l'entend souvent, parce qu'il y a eu quand même pas mal de morts. Hein. C'est ce que j'ai dit, c'est une partie. C'est surtout entre les musulmans et les ennemis. Il y a quelques personnes qui n'ont pas l'habitude de participer au truc. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Parce qu'on a l'impression de parler entre nous. Oui, c'est toujours le même qui parle. Donc sinon, on conclut, on peut continuer à discuter à bâton rompu, vous pouvez regarder les... Autrement, tout est clair. Moi, ce qui est intéressant, c'est clair. C'est pas clair, parce que c'est compliqué. C'est vrai que c'est une période compliquée. Ce qui est intéressant pour ceux qui veulent comprendre quand même comment ça s'est désarticulé, c'est bien l'entre-deux-guerres. Parce qu'à mon avis, le passage sur l'entre-deux-guerres, comme je te disais à ce jeune homme, voilà, je ne sais pas ton nom. David, à mon avis, c'est peut-être le plus important du livre, parce que ça montre bien comment ça s'est désagrégé entre tous les anarchistes, à cause de petits problèmes, en fait, plutôt organisés, politiques. Des problèmes d'organisation ou des problèmes... Bon, le problème de l'Espagne est très important, l'histoire des ministres, ça a quand même fait un gros débat, ça. Bah alors, l'histoire des ministres... Il n'y a pas de formisme. Ouais. Ce qui est intéressant, je crois, ce qui est intéressant aussi, c'est de le type d'un livre comme tu as fait, c'est de voir dans une situation qui ne correspond pas. Les anarchistes ont des grandes idées, veulent un monde meilleur, tout ça, et puis là on arrive, il y a l'invasion par des nazis, c'est ce qu'il y a de plus abominable. Et comment on se comporte en tant que militant anarchiste ou individu qui a des idées anarchistes dans une situation qui n'est pas du tout prévue Je précise, j'ai bien marqué par les nazis, j'ai pas marqué par les Allemands. Oui, non, mais ça, on est d'accord que tous les Allemands n'étaient pas des nazis, je crois qu'on est d'accord. Ouais. Ça a même été les premiers à être foutus dans les camps. J'ai oublié les camps, oui, tout à fait. Donc, on te remercie. Un petit truc par rapport à l'entre-deux-guerres. Tu parles des temps forts comme la guerre d'Espagne. Il y a un autre temps fort qui est un peu plus tôt, mais qui est aussi pour les anars, c'est la défense de Sacro-Vanzetti. Sacro-Vanzetti, oui. Oui, parce que là, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Hein. Oui. Pas que les anars. Hein. Oui. Il y a eu aussi pour défendre les trois mousquetaires aussi. Le Routy. Oui. C'était pas du même niveau, mais ça mobilisait. Ah oui, c'était quoi. Mais non, mais ça, vous ne le connaissez pas. C'est vrai. Politiquement, c'est pas ce qu'elle voulait plus. C'est le moment où une information de cette vie. Il y a un projet pour continuer à faire place d'un colloque sur justement, peut-être que je le sais, Jean-Michel, sur les anarchistes et d'un côté dans la résistance qui se passerait donc en 2010 en Italie avec. Très Et il y en a aussi Il n'arrive pas à trouver mon adresse alors. Non mais c'est vrai que moi j'ai toujours été très soutenu. Ouais, mais c'est vrai, j'essaie de ne pas vous montrer ça, il n'y a pas de temps. On ne voit ni jamais avant. Me cacher, moi. Tu n'arriveras pas à le diffuser ton livre si tu te caches. Ah, je m'en fous, moi c'est pas moi le diffuser, je leur ai dit, je vais essayer de merder. Non mais j'aime pas être sous le feu de la rampe, bon, je vais pas faire. Non, j'étais pas au courant de l'Italie, non pas du tout. Non, je la prends. Oui, ça peut m'intéresser, c'est sûr. Donc, je vais graver, ouais. D'après ce que j'en sais, ça sera à Milan, mais je sais pas. À Milan. Ah, si c'est à Milan, ça va, c'est pas trop loin. Avec l'Italie, alors oui, on peut conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clôturer. On peut discuter. On peut continuer à discuter après. Oui, voilà. Le local n'est pas fermé. Si vous voulez, avez des questions sur le CIRAD, si voilà. Vous voulez discuter avec Michel de son livre, venez, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux vous remercier, Michel. Pour ceux qui sont intéressés, là, en réalité, ça c'est un premier volet. Ça va continuer donc par les années 40 là. Il va y avoir donc la formation de l'AFA, la CNT française, les individualistes, et même dans le mouvement d'avant-garde artistique. Toute l'influence des anarchistes dans les années 40. En deux volets. Il y a d'abord la spécifique, parce que bon, c'est le cas. Mais donc, il y a peu d'années, il y a eu tellement de choses que c'est impressionnant. Ce sera plusieurs livres pour un livre. Deux, et après, il y a des séquences, peut-être trois ou quatre. Plus ça va augmenter. Parce que plus il y a de nouveaux anarchistes. Après, il va y avoir 33 ou 4. Non, mais c'est vrai, quoi. Plus ça va, plus ils se sont éparpillés. Maintenant que tu as traité, t'as le temps. C'est bon, ouais.